Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. On se retrouve un dimanche soir, comme on l'avait déjà fait un petit peu plus tôt dans la saison, pour débriefer le Grand Prix du Japon. Grand Prix qui a eu lieu ce matin et globalement ce week-end à Suzuka. Une course remportée par Andrea Kimi Antonelli, devant Oscar Piastri et Charles Leclerc. Donc un podium avec trois écuries pour la première fois de la saison. Plusieurs petites polémiques, on va dire, et plusieurs sujets assez chauds, évidemment, ce dimanche soir. On est trois pour revenir là-dessus. Il y a Alex avec moi. Ça va, Alex ? Ça va, ben, ravi d'être là ce soir donc pour ce débrief. On a eu un Grand Prix qui était à la fois plus animé que celui de l'an dernier au Japon, qui était assez soporifique, mais aussi un Grand Prix, comme tu l'as dit, chargé en polémiques, et on va en débattre. Et oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses. Et il y a Franck aussi. Ça va, Franck ? Bonsoir tout le monde. Écoutez, oui, ça va très bien. Un long week-end du Grand Prix du Japon qui se termine avec une course, ma foi, un petit peu disputée. En tout cas, plus disputée, comme tu l'as dit, Alex, que les années précédentes. Donc ça, de ce côté-là, ça fait plaisir. Maintenant, il y a des choses, effectivement, qui font un peu moins plaisir. On va en parler pendant l'émission, évidemment. Le crash de Berman, les qualifications et les petites polémiques à gauche et à droite sur ces Formule 1 qui n'en finissent pas. Avant la petite pause d'avril. Effectivement, c'est vrai que on a du mal à voir le bout de ces polémiques qui sont essentiellement liées à la réglementation. Alors il y a du spectacle, mais ça ne plaît pas. Il y a des petits soucis en qualification et maintenant on a évidemment le sujet que certains pilotes avaient lancé il y a longtemps, hein, qui est la sécurité, avec effectivement les problèmes d'énergie qui ralentissent les voitures et qui parfois créent des différences de vitesse, comme on l'a vu ce matin, assez dangereuses. On va parler de ça un peu plus tard, évidemment, puisque on fera un point au milieu de l'émission sur globalement les mécontents de cette réglementation. Et vous doutez bien qu'un certain pilote néerlandais sera dans le package de ces critiques. Merci à toutes et tous d'être déjà nombreux avec nous pour poursuivre cette émission. Et on va donc commencer par Mercedes. Puisque Andrea Kimi Antonelli remporte sa deuxième course en carrière, la deuxième consécutive après le Grand Prix de Chine. Après avoir signé la pole la veille, George Russell termine quatrième. Un peu malchanceux, on va dire, avec la stratégie. Toi, Franck, pour commencer, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end de Mercedes et comment tu vois la dynamique de l'équipe et des pilotes ? En tant que plus grand fan de Mercedes parmi cette team de trois personnes que nous constituons, je suis très heureux de commencer à commenter. Je m'attendais à ce que tu passes la parole à Alex. Tu me prends un peu au dépourvu, mais c'est pas mal. Je commencerai pour Ferrari, c'est pas grave. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà, on peut switcher un peu de temps en temps. C'est vrai que ça fait du bien. Non, moi, je le trouve de plus en plus solide, ce jeune Italien, et de plus en plus inquiétant pour Russell, surtout. Donc, je suis absolument ravi de voir qu'on va pas... Si jamais ça doit se résumer à une saison de domination de Mercedes, qu'on n'ait pas un seul pilote parmi les deux qui domine cette saison et de la tête et des épaules. Donc franchement, il a fait un week-end extrêmement solide. Pole position quand même à Suzuka, c'est quand même pas rien. Voilà, il y a eu des erreurs de réglage, mais bon, du côté de Mercedes et de Russell pour la qualification, ben, ça, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Autant en Chine, le problème était plus du côté de Mercedes avec les petits soucis de fiabilité en Q3, autant là, je pense que ben, la pole d'Antonini était tout à fait méritée, son rythme aussi. Après, évidemment, il y a eu le facteur chance, clairement, de la safety car qui a joué en faveur de Kimi. Mais honnêtement, Russell ne m'a pas l'air de m'avoir monté un rythme beaucoup plus intéressant que celui de Kimi, en tout cas. Parce qu'il a eu quand même pas mal de mal à dépasser derrière, voire même rester un petit peu dans l'ombre de ceux qui le suivaient. Il a effectivement tenté de prendre le podium à Leclerc sur la fin, mais ça s'est même pas très bien passé, alors que Kimi lui a réussi à s'échapper un petit peu. Donc j'ai envie de dire bravo à Kimi, week-end super solide. Bravo en général au week-end de Mercedes aussi. Hein. Je pense que notamment en qualification, on avait tous craint un envol des deux Mercedes magnifiques au départ avec un Grand Prix soporifique en tête. Finalement, bon, les départs, ça reste quelque chose vraiment à travailler aussi chez Mercedes. Hein. C'était assez, oui. Assez étonnant. Oui. Alors en plus, il y avait le facteur pente à Suzuka. Hein. Suzuka, c'est un démarrage en pente. Donc Russell disait bien, de toute façon, aussi, il faut qu'on c'est un des rares circuits sur lequel on doit aussi tenir les freins pour pas que la voiture commence à rouler. Puisque sinon, bah, vous prenez la pénalité pour départ anticipé. Mais peut-être que ça les a encore plus handicapés que d'habitude. Mais bon, quand on voit que les McLaren, avec le même moteur, réussissent à prendre un super envol, Peut-être qu'enfin McLaren a trouvé une meilleure clé que son motoriste pour les départs. Mais voilà, non, super week-end sinon d'Antonini. Moi, je suis ravi de voir de nouvelles têtes. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir le limite italien sur le podium. Ça, voilà, parce que Ferrari, mine de rien, qui était là, il faut que ce soit Ferrari qui gagne. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. C'est plus la parole à Alex sur Mercedes. Je vais juste prendre un petit peu la parole à Alex de petites secondes pour remercier Togalog qui a fait un raid sur notre chaîne et a amené 109 personnes dans le chat. Donc, bienvenue à toutes et tous pour si c'est votre première fois sur notre chaîne. Et pour information, pour les gens qui se retrouvent sur notre chaîne, on est en train de débriefer le Grand Prix du Japon de Formule 1 qui a eu lieu ce matin. Donc, avec une petite overview équipe par équipe, et on vient de commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous. Et je te redonne la parole, Alex. Oui, merci. Et donc, c'est le plus jeune donc leader de l'histoire d'un championnat de Formule 1, même pas 19 ans et 200 jours et quelques. Et je crois que c'est la première fois qu'un Italien mène un championnat du monde depuis Alberto Ascari, c'est-à-dire depuis 1952. C'est pour dire, je pense qu'en Italie, on doit frétiller d'ores et déjà avec effectivement un Antonelli qui a passé un cap très clair depuis. Depuis la Chine, à Melbourne, il avait fait quand même quelques erreurs, il n'était pas tout à fait en dedans. Là, il a tout réussi, sauf son départ, finalement. Son départ, et d'ailleurs, Toto Wolff s'est moqué de lui en disant, voilà, les jeunes de nos jours, ils passent leur permis avec Bois Toto, bah lui, donc c'est pour ça qu'il a du mal avec l'embrayage. En tout cas, c'était bien un problème sur l'embrayage, et Antonelli a pris le problème sur lui. Donc, c'est clair que c'est un problème à régler, parce que quand vous êtes premier, vous passez sixième, évidemment, il faut pas être grand clair pour comprendre que c'est bien plus difficile. Antonelli, il a aussi reconnu lui-même, hein, il était assez humble, il a été verni par le timing de la voiture de sécurité qui lui a permis de repasser devant Piastri. Mais ensuite, il a mis un écart à l'air libre de 13 secondes, plus de 13 secondes sur Piastri, avec une bonne marge. Donc, bon, clairement, on peut dire que c'est la voiture la plus rapide, certes la plus chanceuse, mais aussi la plus rapide qui a gagné aujourd'hui. En nouveau leader, 9 points d'avance. Cela dit, moi, je voudrais quand même m'inscrire en faux contre eux. Voilà, on voit déjà un peu du Russell bashing sur les réseaux sociaux. Alors, on sait que c'est la F1, on sait que ça va vite et on sait qu'on aime plus l'outsider. Il faut rappeler que Russell avait, comme d'ailleurs en Chine, des circonstances atténuantes. Et en premier lieu, alors non seulement il n'a pas été verni par le timing des safety cars, ça, je pense qu'il nous l'a fait comprendre à la radio, mais de manière un petit peu trop d'ailleurs insistante, puisqu'il s'est fait recadrer par Toto Wolff. Donc, il y avait la voiture de sécurité, mais il y avait aussi le problème de réglage. Le problème de réglage, apparemment assez très embêtant. Dès la Q1, Toto Wolff a dit, voilà, c'est un problème qui va clairement le gêner, et en raison du parc fermé, ce réglage n'a pas pu être changé. Donc, ça fait en fait deux courses, on a l'impression qu'on n'a pas tout à fait un Russell au max de ses capacités. C'est pour ça que moi, j'attendrai évidemment plusieurs Grands Prix avant de dire que ça y est, l'équilibre des pouvoirs a changé chez Mercedes. On est encore très loin de tout ça, mais c'est sûr que Antonelli va poser plus de problèmes à Russell, qui doit se dire, voilà, effectivement, comme Franck l'a dit, si jamais c'est une lutte à deux, c'est loin d'être dit, hein, mais si jamais c'est une lutte à deux, ça sera peut-être une vraie lutte à deux entre Mercedes, et ça, on ne pourrait évidemment que s'en réjouir. Effectivement, moi, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un Antonelli aussi rapide et aussi solide en ce début de saison. Maintenant, effectivement, il y aura quand même la question de son mental, en fait, si jamais il est vraiment dans la lutte pour le titre. Pour l'instant, il n'arrête pas de dire que c'est encore très long, qu'il n'y a pas de lutte pour le titre, etc. Mais le jour où on va commencer vraiment à voir se dessiner les contours d'une lutte, et que potentiellement lui aussi aura un week-end où ça va mal se passer. Alors, on a vu qu'en Australie, il a rebondi après un accident et qu'il a réussi à revenir aux avant-postes. Mais voilà, il faudra qu'il garde cette dynamique, qu'il garde cette constance. Parce que mine de rien, c'est pas non plus plus facile de rester à ce niveau-là sur toute une saison. On a vu l'an dernier qu'il avait des week-ends vraiment où il était moins dans le coup. Mais donc moi, c'est pareil, je m'inquiète pas non plus pour Russell pour l'instant. Parce que Russell sera toujours à un très bon niveau. Après, c'est vrai que là, il n'a pas eu de chance. Et ce week-end, il n'a pas eu le. Je pense que ce qui a fait un peu problème pour lui, c'est qu'il n'a pas eu la circonstance atténuante du problème mécanique, mais plutôt un problème de réglage qui, là, forcément, incombe un peu plus à ses choix à lui. Donc, c'est un petit peu plus un reproche qu'on peut lui faire. Mais il y a aussi la recherche d'excuses, quand même. Beaucoup de. Voilà, il commence un petit peu à rentrer dans la recherche d'excuses aussi, ce qui n'est pas forcément toujours du bon. Comment dire, de bonne augure. Parce qu'il montre une inquiétude, hein, clairement. Oui, clairement. Ça, c'est sûr. Et je pense effectivement que qu'il n'était pas du tout, il n'imaginait pas du tout en début de saison qu'il allait avoir un rival aussi net et surtout qu'il allait remporter deux courses contre une pour lui. Là, il y a un mois maintenant pour remettre les choses au point. Et puis, à Miami, si Mercedes est toujours favorite et toujours l'équipe à battre, Russell devra réagir. Pourquoi Russell n'a pas pu passer Leclerc, nous demande-t-on. Globalement, Russell n'a pas pu passer non plus Piastri en début de course parce que il avait quand même quelques soucis d'équilibre. Hein, donc, il n'était pas aussi à l'aise dans sa voiture que l'était Antonelli, notamment. Et c'est vrai que ça a dû lui coûter de la capacité à lancer des manœuvres de dépassement, parce que malgré tout, les dépassements ne se faisaient pas forcément qu'en ligne droite. On a vu que ça se faisait beaucoup à la chicane. Et lui, quand il est passé à la chicane, souvent, il ressortait moins bien, avec un peu moins d'énergie et peut-être un peu moins de motricité aussi. Donc effectivement, c'était un peu compliqué pour lui, on va dire. Après, Suzuka, c'est pas un circuit où on dépasse facilement quand même. Hein. Non. Il faut quand même le dire. D'ailleurs, je salue. D'ailleurs, on parlait de Russell, voilà, de super dépassement de Leclerc sur Russell à l'extérieur du virage numéro 1. Mmh. Un dépassement à l'ancienne, voilà. comme les traditionnistes, les consultants, les vieux de la vieille l'ont salué, voilà, qui était un très très beau dépassement. Mais même avec cette nouvelle Formule 1, même avec cette gestion de l'énergie qui revient aux mains du pilote, c'est pas évident de dépasser à Suzuka. Mais c'est toujours bien mieux que ce qu'on avait les années précédentes. Donc voilà. Pas oublier que le Grand Prix de Suzuka l'an dernier, c'est un des plus ennuyeux de la saison, voire je dirais des 5 dernières années. Hein. Ouais, c'était vraiment une purge. Et là, effectivement, on a eu quand même quelques beaux dépassements. Après, c'est sûr que le dépassement à la chicane, c'était quasiment dans tous les cas un choix de déploiement d'énergie, surtout. Un choix de déploiement d'énergie, et très souvent, ça se concluait par un redépassement dans la ligne droite. Il n'y a que Norris, en fait, notamment sur la deuxième partie de course, qui a réussi à vraiment faire tenir ce dépassement-là. Donc, ça aussi, les équipes, on l'a dit, elles sont encore en train de chercher un peu comment avoir les meilleures stratégies de déploiement, les meilleures stratégies d'utilisation d'énergie. Et c'est vrai que, pour l'instant, ça donne des dépassements qui parfois sont un peu... Là, sur ce coup, je pense que tout le monde avait la même meilleure stratégie, qui était celle de ne pas déployer. Simplement, c'est des paris aussi des pilotes. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que les pilotes gardent la main en dernier ressort. Donc, s'ils ont envie de tester autre chose, de tenter le coup et peut-être d'essayer de se protéger un peu mieux ou d'espérer que le pilote derrière eux fasse une petite glissade à la sortie de la chicane, ça leur permet de garder l'avantage derrière. Donc, moi, je ne trouve pas forcément que ce soit une question de convergence ou de mauvaise convergence. Je pense que tout le monde a à peu près la même stratégie hein, en termes de déploiement et de régénération. Parce que tout le monde arrivait sur une vitesse un peu plus faible sur le centre en terre, qui passait d'ailleurs du coup à fond, sans même aller chercher le vibreur extérieur. Donc ça, par contre, effectivement, c'était un peu le côté un peu pénible dont on parlera, je pense, un peu plus tard. Et on restait sur du ralentissement jusqu'à la dernière chicane, et ensuite, voilà, déploiement d'énergie maximum sur la ligne d'arrivée. Puisque tu parles de la bataille, de la super bataille Leclerc-Russell hein, et des dépassements stratégiques, c'est Leclerc en conf de presse après la course a très bien expliqué voilà, le niveau de stratégie de ces batailles. Il disait voilà, mon ingénieur, il était tout le temps en communication à la radio. Mon ingénieur me disait voilà, quand l'ingénieur écoutait la radio de Mercedes, quand on disait à Russell de tout utiliser dans la ligne droite d'arriver ou vice versa, ben Leclerc faisait l'inverse et Leclerc se défendait. Il y avait sans cesse des adaptations en fonction du niveau de déploiement, de la stratégie de déploiement dans les virages, dans la ligne droite, etc., des pilotes. Et c'est pour ça qu'ils étaient, la plupart étaient épuisés mentalement, non pas physiquement, mais épuisés mentalement. Je crois que c'est même Lawson, ou je ne sais plus qui l'a dit, parce que c'est vraiment mentalement, tout simplement épuisant d'adapter à chaque fois la stratégie. Mais voilà, je conseille donc de lire l'article sur Leclerc qu'on sortira demain, qui rentre bien dans ce détail du niveau stratégique de bataille avec Russell. Et c'est pour ça que Leclerc aime d'ailleurs ce règlement pour. C'est presque un jeu d'échecs, quoi, ces dépassements-là. Totalement. On nous demande si les pilotes ont la main sur la modulation de la régénération et du déploiement de l'énergie électrique ou si c'est corrélé à l'accélérateur. En fait, les voitures ont un réglage qui fait qu'à un certain niveau de vitesse et de vitesse, elles arrivent à ce fameux super clipping, donc qui commence à réduire la vitesse pour redonner. De l'énergie, mais après les pilotes ont la main sur le déploiement de l'overtake mode, donc c'est-à-dire le ce qu'ils activent une fois par tour et après qu'ils peuvent utiliser sur tout le tour. Ouais, je crois qu'il y a aussi une histoire de position d'accélérateur qui avait perturbé Leclerc, une histoire de 98% d'accélérateur ou de 100%. Ça effectivement, on pourrait peut-être plus le creuser. Je pense qu'on va essayer de le creuser peut-être pendant ce mois de pause avec Manu sur le côté effectivement technique, ce qu'on a un peu appris. pas mal de choses qui sont sorties des télémétries notamment, et puis voilà, c'était un problème notamment que Leclerc avait eu en Chine, hein, c'est pour ça qu'il avait un peu loupé son tour qualif, je crois. Une histoire de position d'accélérateur aussi, où voilà, il avait fait un petit lever de pied dans le cockpit, ce qui du coup lui avait gâché son lancement de régénération d'énergie, enfin voilà, du coup il était plus sur la bonne stratégie. Et du coup, il a perdu une demi-seconde dans la ligne droite qui suivait. Donc, c'était un peu. Voilà. On va creuser un petit peu tout ça. Mais oui, il y a quand même des choses que les pilotes ont dans leur poche. Après, il y a des zones qui sont aussi délimitées pour ne pas. Où ils ne peuvent pas recharger. Par exemple, tout le premier secteur où il y avait les S, c'est ce qu'on appelait le secteur 0 kW à Suzuka. C'est-à-dire que c'était un secteur où, en fait, il y avait quasiment que l'utilisation du moteur thermique. Donc, justement, pour éviter ces phénomènes de lift and coast et de super clipping dans cette partie ultra sensible avec des enchaînements gauche-droite extrêmement rapides. Ce qui aussi nous a permis un peu de préserver quand même le spectacle de voir CF1 un peu à la limite dans ce premier secteur, ce qui est toujours un peu fabuleux. Voilà, le seul vrai virage qui a été sacrifié, on va dire, c'est surtout le 130R. Oui. Et peut-être le deuxième Degner aussi. Là, on voyait beaucoup de F1 se planter en général parce qu'il y avait toujours une petite accélération entre les deux Degner. Cette fois-ci, effectivement, on était plus sur une phase de décélération dans le premier et puis dans le deuxième. Et donc, du coup, on n'a pas vu de F1 se crasher ou de triple Super Formule 1 comme c'était. C'est Jack Doohan, c'est ça? Triple crash. Trois crashs en trois jours au même moment. C'est ça. Donc voilà, c'est un truc à creuser, mais voilà, mais ils ont comme une certaine liberté, la preuve, hein, puisqu'ils peuvent décider effectivement d'utiliser leur énergie un peu où ils le souhaitent. Et d'ailleurs, ça nous a permis aussi de voir les gens qui étaient de mauvaise foi, puisque des gens ont dit oui, le premier secteur maintenant c'est n'importe quoi, ils sont tous en train de faire du lift and coast. Non, le premier secteur, globalement, les voitures ont moins de vitesse en virage, donc ça allait un peu moins vite que les voitures des années d'avant, mais c'était globalement pas mal. Et le 130R. Alors oui, c'est un peu triste de les voir perdre des kilomètres heure après le 130R, moi c'est ça qui me faisait un peu mal, surtout maintenant le 130R n'est plus un... Comment dire, n'est plus il était un... déjà à fond. Enfin, ouais, il était déjà à fond. C'est plus un juge de paix depuis environ 20 ans, hein, donc c'est vrai que c'est comme le Rédillon. Le Rédillon aujourd'hui ça se passe à fond, mais ça se passe à fond depuis déjà plus de 20 ans. Blanchimont, c'est pareil. Voilà, on va perdre un peu de l'intérêt dans le sens où effectivement c'est triste de voir les voitures sortir d'un virage et perdre 40-50 km/h, ça on est d'accord. Moi, j'ai aucun problème là-dessus, ça doit être modifié. Après, les gens qui, voilà, la levée de bouclier pour dire « Oh là là, 130R, c'est plus un juge de paix », mais ça l'est plus depuis des années, littéralement. Ça aurait pu le devenir si, effectivement, on a eu moins de déploiement d'énergie dans la ligne droite et qu'elles auraient moins, du coup, freiné, puisqu'on le CF1, elles ont quand même moins d'appui, 25% d'appui en moins que les F1 de l'an dernier. Ça aurait pu peut-être être, effectivement, un juge de paix, mais il aurait fallu pour cela déployer moins d'énergie. Et mais ça va faire l'objet des discussions qui vont avoir lieu en avril, effectivement. C'est déjà là pour ce Grand Prix là, on en parlait maintenant, du coup, c'est qu'on a décidé d'allouer 1 mégajoule de moins en récupération, donc pour que les pilotes aient un peu moins de recharge d'énergie à faire. Donc moins de recharge d'énergie à faire, ça veut donc dire potentiellement un peu plus de tours à fond. L'idéal, ça aurait été de passer de 9 mégajoules à peut-être 3 ou 4. Là au moins vous êtes sûr que les pilotes auraient été juste à fond et la recharge d'énergie, ce serait fait juste sur les phases de freinage. Du coup. Voilà, il y aurait eu beaucoup moins d'énergie pour tout le monde. Les temps autour auraient pris 3 ou 4 secondes dans la figure en plus. Ouais. Honnêtement, moi je prône toujours, je pense que c'est peut-être la solution sur laquelle la F1 va aller après le mois d'avril, sur des. Bah voilà, puisqu'on peut pas étendre la taille de la batterie, puisqu'on peut pas non plus faire du super clipping à outrance. Vous dire, bah écoutez, vous avez fait des super batteries, c'est top, mais on va limiter à 3 ou 4 mégajoules par tour, peut-être en qualif juste, voilà, pour qu'effectivement les qualifs se passent à fond, et peut-être déployer un peu moins d'énergie aussi, parce que c'est vrai que moi je trouve ça toujours très bizarre qu'on voit une formule accélérée de 250 à 350, pour ensuite repasser à 310. Autant essayer de lisser cette puissance-là, pour qu'on arrive à, bah, je sais pas, à 320, et peut-être que du coup le 130R à 320, avec des F1 avec moins d'appui, ça redeviendrait un challenge. Mais ça peut pas se décider comme ça en 15 jours. Ils avaient déjà fait une première décision qui était de réduire un peu l'énergie. Voilà. Là maintenant, faut que tout le monde se mette d'accord pour dire ok, on a compris, on tient compte des critiques des fans et aussi des journalistes, parce que je pense que là tout le monde est quasiment unanime. Hein. Même vous deux, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que les qualifs soient améliorés clairement. Ouais. Moi, la partie course, ça ne me gêne pas du tout, clairement. Donc, il y a peut-être que quelques pilotes que ça gêne, et encore de moins en moins. Il y en a certainement un qui ça gêne encore. Mais hormis l'aspect sécurité, mais en tout cas, voilà, en termes de spectacle en course et de possibilités stratégiques de se dépasser, on est quand même sur une formule qui est certes à peaufiner, mais qui est déjà une bonne base. Exactement. Bonsoir à Tiklem qui a pris un abonnement à la chaîne, 19e mois d'abonnement, donc merci de ton soutien. Et effectivement, alors on nous demande la question sur si le temps de la pole était loin de celui de l'an dernier. On était un peu 1 seconde 8, 1 seconde 9, je crois, de la pole l'an dernier. Donc on n'est pas très loin, mais voilà, après, Ce qui est déjà fou. Hein. Ouais, ce qui est déjà fou parce qu'on est en tout début de réglementation. Donc on a de la marge pour baisser les performances si besoin sur un point ou l'autre et gagner justement en souplesse d'utilisation des voitures sans avoir des voitures trop lentes. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que ça va sûrement passer par là pour avoir du spectacle en qualif. Ouais. Même si on se retrouve à 3 secondes en qualif, c'est pas grave en fait. Ouais, 3 secondes en début de cycle réglementaire, ça veut dire 3 secondes devant dans 3 ans. Quoi. C'est ça, non, mais c'est pour ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Surtout que, encore une fois, on va avoir des progressions châssis et moteur. Donc, les voitures sauf vont pour les Aston Martin, ça, mais ça, on reparlera. Écoute, déjà, quand ça vibrera plus, ce sera bien. Ouais, parce que, de toute façon, ils en sont au karting engine. Bientôt le GP2 engine. On y reviendra. En termes de vibration, c'est à peu près ça. Hein. on y reviendra, évidemment. Mais dans longtemps. Oui. Alors, si jamais vous êtes fan, prenez un peu votre mal en patience. Désolé, on en parle très souvent en fin d'émission, mais bon, voilà, c'est pas de notre faute. Venez passer des vacances chez nous, chez Manu, chez Alex et moi. On vous dorlotera. Vous. C'est ça. Et oui, parce que moi, du coup, on va parler de McLaren en deuxième, avec la deuxième place. Mais de ils étaient là. Alors incroyable. Déjà, il y avait deux voitures sur la grille. Il y avait deux voitures au départ et deux voitures à l'arrivée. C'était la grande quel fête. Départ. C'est quel départ en plus. Oscar Piastri tellement pressé. C'est ça. Oscar Piastri a fait sa première course de la saison et malgré l'absence de gestion de l'énergie et d'absence de d'expérience sur ça, il a fait un très bon départ et un très bon globalement une très bonne course hein, puisqu'il s'est retrouvé en tête et a géré la première partie de la course en tête jusqu'à son arrêt et puis ensuite n'a pas eu de chance forcément puisque des pilotes ont pu profiter notamment Kimi Antonelli de la safety car qui était sur un meilleur timing pour lui. Alors forcément, je poserai la question après, mais on peut imaginer Piastri aurait pu jouer la victoire puisqu'il a retenu Russell toute la première partie de course et a réussi à garder la tête. Et Norris était un peu en retrait, mais bon, il a eu un week-end très compliqué avec beaucoup de problèmes sur les essais libres, donc moins de roulage. Et il termine quand même 5e, donc ils se retrouvent tous les deux 5e et 6e au championnat. L'équipe est clairement 3e force du plateau et on voit que quand ils sont là, ça va plutôt pas mal globalement. Tu dis clairement 3e force, là j'étais la 2e hein, pour oui. moi au Japon, en tout cas au classement, oui, clairement 3e, mais en performance pure. Ouais, en performance pure, ça joue avec Ferrari. Je touche avec Ferrari, ouais. Mm. Et la question, Piastri aurait-il pu gagner sans la voiture de sécurité? Bon, on n'aura jamais la réponse. On se souvient d'une communication radio. Du coup, moi, je vais dire oui. Disait, voilà. on se souvient d'une communication radio où Piastri disait si je tiens la position de piste, je peux le tenir derrière. Voilà, tu dis il n'a pas dépassé Russell, mais c'est vrai que Russell était quand même 2-3 dixièmes plus lent que Antonelli. Donc voilà, donc je pense que ça aurait été quand même assez limite, mais c'est sûr qu'il aurait pu jouer la victoire, au moins disputer la victoire. Après, Anthony lui a mis quand même 13 secondes dans la vue. Hein, oui. En une vingtaine de tours, et sans doute, il n'était pas à fond sur la fin. Donc, pour moi, McLaren est quand même derrière, clairement, Mercedes. Moi, ce qui m'étonne, effectivement, c'est des départs. Hein. Voir un tel contraste entre McLaren et Mercedes, enfin, surtout entre Piastri et Anthony, en l'occurrence, c'est assez étonnant. Mmh. Effectivement, c'est un Grand Prix plein d'espoir pour McLaren, parce qu'ils sont... De leur aveu, ils sont loin en développement, ils ne sont pas satisfaits. Et pourtant, ils arrivent à être la deuxième force de ce week-end. Donc, c'est plutôt encourageant. Ils vont d'autant plus regretter les points perdus en début d'année, je pense. Forcément, oui. Parce qu'il y a déjà 90 points de retard sur Mercedes au constructeur. Hein. Oui, quoi qu'il arrive, ça, le début de saison se fait sentir directement. Et puis, effectivement, comme on dit dans le chat, Norris est déjà proche d'une pénalité en termes d'utilisation de la batterie. Après, c'est pas les seuls. Et je pense qu'à terme, s'ils arrivent à corriger la fiabilité, ça se lissera un peu par rapport aux autres équipes. Parce que tout le monde risque d'y passer. Enfin, en tout cas, du côté des équipes autorisées par Mercedes, je pense déjà. Ouais. Je pense que Mercedes ne soit pas encore... elle-même prise dans son propre jeu. Parce que ouais, complètement. Et j'ai l'impression que finalement, il n'y a que les équipes motorisées par Ferrari, et surtout Ferrari et Haas, qui sont ouais. le plus loin du scénario catastrophe en termes de pénalité. C'est vrai que pour McLaren, c'est quand même globalement rassurant. Toi, Franck, qu'est-ce que tu as retenu de cette course et notamment de cette première course de Piastri cette année? Justement, ce que j'allais dire, c'était la première course de Piastri. C'est la première fois qu'il avait l'occasion de d'étrainer ce règlement un petit peu du jeu du chat et de la souris, un petit peu, même si voilà, il n'était pas non plus dans le peloton direct avec beaucoup plus de batailles que ça. Il a quand même tenu effectivement Russell derrière, donc en termes de référence de de F1 qui savent bien déployer l'énergie pour passer des voitures et s'échapper devant. La Mercedes, c'était quand même la plus belle référence de la saison pour l'instant. Ça le reste d'ailleurs, je pense aussi, même si Russell n'était pas forcément à son avantage sur cette course-là. Donc réussir à déjà voilà bien gérer cette partie-là pour Piastri malgré son inexpérience relative des deux premières courses, c'était à saluer. Je pense effectivement qu'il avait toutes ses chances de pouvoir gagner ce Grand Prix sans la safety car. En tout cas, face à Russell, je pense qu'Anthony avait peut-être une voiture intrinsèquement plus rapide, donc ça aurait peut-être pas été effectivement la même façon de gérer, je pense, la Mercedes d'Anthony par rapport à celle de Russell. Donc là, ça va être certainement dans le débrief de Mercedes. D'ailleurs, le débrief, tiens, je suis en train de dire, d'habitude, on avait le droit à un super débrief de Mercedes. Après chaque Grand Prix, cette année, on n'a pas eu le droit. Donc, j'espère qu'on... Souviens-toi, on a le débrief de James Allison, de Andrew Chauvelin. C'est vrai. En général, le mercredi, le jeudi, ouais, qui des vidéos, là. Très sympathique et complète. Et cette année, on n'a rien eu du tout. Alors, peut-être que parce que c'était en Australie et en Chine, mais j'espère qu'après le Japon... Vu qu'il y a un mois où ils vont rien foutre du tout à l'usine, évidemment, ils vont au moins se poser 15 minutes devant une caméra pour nous expliquer ce qui s'est passé sur la voiture. C'est un débriefing de tout le début de saison. C'est ça, parce que bon, entre deux vacances à Hawaï et Monaco, ils peuvent bien nous faire ça quand même. Hein. Ces gens-là, ils font rien de leur temps, de leur journée. C'est bien. Non, bref, en trêve de plaisanterie, j'espère qu'on aura un peu plus de. Effectivement, d'inside sur la différence entre les deux monoplaces, ce serait intéressant pour nous pour le savoir. Déjà pour savoir effectivement si McLaren avait vraiment une chance ou pas. Andrea Stella lui dit qu'il n'est peut-être vraiment pas certain. Moi je pense qu'il sous-estime un petit peu ce que Piastri aurait pu faire face aux deux Mercedes en cas de course sans voiture de sécurité. Après, la faute à McLaren peut-être de ne pas avoir su l'anticiper aussi, puisque quasiment tout le monde s'attend dans ces premiers grands prix de la saison à voir ou des virtual safety cars ou des voitures de sécurité parce qu'il y a encore des problèmes de fiabilité, parce qu'il y a encore des soucis. Bon, là, c'était pas un problème de fiabilité sur ce coup-là, évidemment. C'était un problème beaucoup plus important qui était quand même un crash assez impressionnant pour Berman. Mais voilà, ça fait quand même partie un petit peu des quasi-assurances de ce début de saison. Je parle même pas de Miami qui sera la prochaine course où là c'est presque assuré aussi en général, ou si c'est pas une voiture qui tape légèrement un mur ou autre chose. Donc voilà, quand on peut rentrer dans la fenêtre de safety car ou s'en éloigner un petit peu, on essaye un petit peu d'attendre. Bon, bah, ouais. Après il fallait pas trop attendre non plus. Puisqu'après si vous perdez un peu les pneus, mais bon les pneus étaient tellement résistants aujourd'hui aussi que bah c'est ça. Il n'y a pas trop de différence à faire là-dessus non plus. Donc voilà, non bon, voilà, je veux pas critiquer plus que ça la course de McLaren, au contraire, hein, je pense qu'ils ont fait quelque chose de très très bien pour se donner beaucoup de réassurance, on va dire, avant la pause. Enfin, je pense que c'était une course bienvenue avant de passer un mois loin des circuits, pour se tout dire, ok, on peut jouer avec les bonnes évolutions, on peut rattraper. Sauf qu'eux n'ont pas amené du tout de nouveautés, contrairement aux autres équipes depuis Bahreïn. C'est ça, et on voit que en termes d'exploitation du moteur aussi, ils l'ont clairement dit, ça a encore été le jour et la nuit quasiment par rapport alors je parle même pas par rapport à Melbourne, encore même par rapport à la Chine. Donc clairement, voilà, tout le monde est en train d'apprendre là-dessus. Et voilà, maintenant il faut faire évoluer la voiture parce que ça, clairement, la Mercedes reste quand même un ton au-dessus au niveau châssis, au niveau aéro. Tout à fait. Alors Thierry nous demande combien c'est de places de pénalité. Donc c'est 10 places pour dépassement de chaque composant pour le premier dépassement et toute pièce ensuite au-delà de ce dépassement, c'est 5 places à chaque fois. Donc souvent, quand un moteur va être. Parce qu'après, à partir du moment où on a plus de 15 places cumulées, on est directement envoyé en fond de grille. Donc à partir du moment où il y aura un changement de batterie avec 10 places. Et si jamais ils ont les autres éléments qui sont proches de la limite, on peut imaginer qu'il y aura un départ en fond de grille avec des nouveaux éléments pour tous les éléments qui dépassent en tout cas le quota. Et Datsebane nous dit bonjour à tous, vous avez massacré la réglementation, en tout cas ce serait mérité vu la bouse. Alors ici on est plutôt pragmatique, on ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il y en a, et il y a des soucis notamment en qualification, mais on est sur une réglementation totalement nouvelle qui n'a que 3 courses, et je pense que on est prudent. Alors c'est pas pour dire on n'est pas là pour passer la pommade à la Formule 1, simplement dire C'est très très jeune. On a vu des changements de réglementation qui avaient des gros problèmes de jeunesse aussi. Laissons le temps, laissons sa chance au produit. Et on a quand même globalement des voitures rapides et des courses pas si mauvaises. Donc, Et si tu viens d'arriver, on a parlé effectivement des problèmes en qualification. Peut-être que tu ne nous as pas entendu juste avant. Ouais. Donc tu pourras peut-être nous retrouver sur le YouTube, parce qu'en général, on poste le podcast directement après la fin de l'émission sur notre chaîne YouTube ou en podcast audio. Voilà. Et on a effectivement parlé des qualifications. Et là, on est tout à fait raccord avec tout le monde. Il faut les améliorer. Il faut changer les choses. Après, en course, on est moins radical que certains. Et d'ailleurs, de plus en plus de pilotes sont moins radicaux par rapport au spectacle qui est proposé. Donc, voilà, il faut savoir mesurer aussi dans nos propos. Et, ouais. Et, ouais. Et c'est pas, voilà, c'est pas pour dire qu'on défend la Formule 1 coûte que coûte, parce qu'il y a des problèmes et tout ça. Mais bon, moi, je trouve quand même qu'en termes de spectacle du dimanche, on n'a pas perdu du tout par rapport à l'an dernier, alors qu'on est en début d'une réglementation. Et c'est plutôt. Surtout à Suzuka, je veux dire, souvenez-vous de la pire l'an dernier. On a gagné, Suzuka, hein. Ouais. C'est vrai que Suzuka, c'est l'an dernier, encore une fois, c'est vraiment une des pires courses en termes de spectacle, en termes de nombre de dépassements de la réglementation précédente, quoi. Mais la F1 a la mémoire courte, hein, c'est pas nouveau. C'est ça. D'ailleurs, il y a des gens d'un site concurrent qui ont sorti des propos d'Alonso en 2018 qui critiquaient la Formule 1 et disaient qu'il allait partir parce qu'il ne pouvait plus de la réglementation. voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi remettre en question un peu toutes les critiques et voir de qui elles viennent, pourquoi elles sont là. Parce qu'en fait, il y a des critiques très intéressantes à faire, il y a des critiques qui sont réelles, il y a des critiques qui ont leur place. Mais il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit sur des bases solides. Là, par exemple, aujourd'hui, qu'on dise oui, il y a un problème avec les différences de vitesse qui ont créé, alors on y reviendra, mais l'accident de Berman, oui, ça, on est d'accord. Et on peut en parler, on en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, faut pas critiquer gratuitement et dire que c'est nul et que c'est fini et que la F1 est morte, parce que voilà, je pense qu'il faut doser un petit peu les propos. Oui, certes, juste pour rajouter une chose, c'est vrai que tout le monde critique pour les qualifications, qu'il y ait du super clipping, du Senkos, tout ça, mais tous les pilotes le font aussi. Donc au final, il faut quand même réussir à faire la différence ailleurs aussi. Donc ça reste comme un jeu de pilotage, malgré tout. Spoiler alert, voilà. Le pilote sert à quelque chose. Et ça, c'est voilà. Bien. Il faut se rappeler les commentaires sur le DRS quand c'est arrivé. Hein, ah bah. DRS qui aujourd'hui est regretté par tout le monde, alors que vraiment, voilà, c'était l'ennemi public numéro 1 pendant 15 ans. Hein. Le DRS était la F1 pure et traditionnaliste. Exactement, ouais. On va passer à Ferrari avec la troisième place de Charles Leclerc, troisième podium de suite pour l'équipe. Hein, Leclerc à Melbourne, un à Hamilton en Chine et donc maintenant Leclerc de nouveau. Hamilton était un petit peu victime de quelques soucis en course, il termine sixième. Alors c'est un petit peu décevant parce que McLaren était dans les pattes de l'équipe. Néanmoins, ça reste quand même bien solide et finalement pas super loin non plus de Mercedes. Toi, Franck, du coup, je te laisse la parole en premier. On a dit que je commençais Ferrari. Ah oui, d'accord, c'est McLaren. C'est McLaren. Ouais, si vraiment tu tiens, voilà. Mais sinon, je laisse la parole à Franck pour voilà, que tu nous fasses le point, toi déjà, ton ressenti en tant que aficionado et puis. je vais être rapide sur Ferrari. Il n'y a pas énormément de choses à dire effectivement. Troisième force, comme l'a dit Alex tout à l'heure, par rapport à McLaren ce week-end. Et j'ai vu aussi beaucoup de commentaires dans le chat. Effectivement, il y a vraiment du boulot à faire du côté puissance et déploiement de la puissance du côté de Ferrari. Je pense que c'est surtout là effectivement que ça pêche beaucoup, parce que on a eu confirmation que la SF26 était vraiment une des meilleures monoplaces en termes d'aéro et de tenue en virage, que le secteur 1 en général, les Ferrari, elles étaient hyper bonnes là par rapport aux Mercedes et aux McLaren. Donc ça s'est confirmé. Donc ça c'est vraiment cool. Maintenant voilà, du côté du moteur, il y a un peu de boulot à faire. Je pense que d'après ce que j'ai compris, Ferrari aura le droit à un petit coup de pouce en développement par rapport à Mercedes. Je parle même pas de Honda, hein, mais voilà. Donc il y aura un petit coup de pouce. Alors le coup de pouce, il est uniquement côté thermique, hein, parce que le côté énergie, voilà, c'est hyper facile. Un moteur électrique, ça, 350 kW, il fait 350 kW. Vous pouvez pas plus l'améliorer que ça. Il n'y a pas plus facilement mesurable qu'à la puissance d'un moteur électrique, parce qu'un moteur électrique développe sa pleine puissance, son plein couple, dès le départ. Donc, c'est pas en fonction du régime ou quoi que ce soit. Donc voilà, pas un petit peu, pas forcément déçu, un peu déçu par les résultats des qualifs quand même, par le trou. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu moins d'écart aussi par rapport à, en tout cas au début des qualifs. Le début des qualifs avait été plus rassurant que la fin. Et puis McLaren qui vient effectivement jouer un peu les trous de fête, donc bon, c'est bien aussi pour le spectacle. Hein, je veux dire, je préfère qu'on ait une bataille à 3 qu'une bataille à 2, même si je suis ferrariste un peu dans l'âme. Mais voilà, mais Ferrari est dans le coup, Ferrari est là, et Ferrari de toute façon mise énormément sur les évolutions. Là, Vasseur a clairement dit qu'il y a toute une autre saison carrément qui va démarrer à partir de Miami. Alors, ça sera vrai pour Ferrari, mais ça sera vrai aussi pour McLaren, ça sera certainement vrai pour Mercedes aussi. Mais c'est toujours pareil, quand on est la référence, on progresse normalement moins bien que les autres, donc on va espérer que Ferrari et McLaren aient appris de Mercedes le maximum possible sur ces essais hivernaux, parce que ça, en fait, l'apprentissage vient déjà dès les essais hivernaux, parce que en termes de conception, de production de pièces, on commence déjà à comprendre des choses à ce moment-là, et les premiers Grands Prix aussi, et effectivement, ce petit mois de pause qui n'était pas prévu va permettre effectivement d'affiner certaines pièces qui étaient prévues pour en termes d'évolution, parce qu'elles étaient prévues pour Bahreïn, donc elles ont été repoussées, elles seront améliorées encore. Donc ouais, j'ai hâte de voir bon, Miami, ça sera circuit urbain, ce sera pas forcément le mieux, mais voilà, Ferrari, je trouve, voilà, dans la bonne place. Juste pour revenir, Leclerc a fait une course impeccable, encore une fois, selon moi. Une petite bataille encore entre les deux Ferrari, hein, histoire de... Ils peuvent pas s'en empêcher. C'est ça, c'est parfait, moi je trouve que c'est parfait. Vasseur leur fait totalement confiance. Donc il a raison, parce qu'ils sont propres. C'est ça. Et voilà, Leclerc est impeccable. Et Hamilton, effectivement, il s'est plaint un petit peu de soucis de puissance, de déploiement, de choses comme ça tout le long de la course. Ce que Vasseur n'a pas confirmé vraiment dans ses propos... Vasseur a plutôt pointé du fait que comme Hamilton était un peu décroché du bon peloton, on va dire, à un moment, c'est qu'il ne profitait pas du 0,5 mégajoules en plus que vous avez en mode overtake ou autre. Et donc forcément, il peut peut-être avoir cette impression d'avoir un peu moins de puissance que les autres. Après, ça restera peut-être des choses à investiguer du côté de Ferrari. Mais il m'avait pas l'air d'avoir beaucoup moins de puissance que les voitures avec lesquelles il se battait. Donc je sais pas, c'est à voir. Bah, des fois, c'est vrai que la sensibilité des pilotes fait qu'ils ressentent un problème qui est mineur, mais qui eux, leur coûte un peu de temps et de facilité d'exploitation. On nous demande où est le fameux aileron Macarena. Effectivement, il n'a pas été utilisé ce week-end. Après, c'est pas un circuit où il y avait des longues lignes droites, donc c'est pas le plus. Il y avait que deux straight mode, donc. Ouais. Et puis ouais, sur des lignes droites qui n'étaient pas très longues. Miami, il y aura une longue ligne droite, donc c'est possible qu'on le voit au moins en essai. Et puis bah, d'ici là, ils auront peut-être aussi affiné un petit peu la pièce, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça fait quand même du poids sur les extrémités et sur le haut de l'aileron. Donc forcément, ça, il y a des inconvénients à cet aileron aussi, hein, qui a aussi des avantages. Et bah, le but de Ferrari, ça va être de limiter les inconvénients pour en faire vraiment une pièce très intéressante à utiliser. Et de toute façon, oui, la hiérarchie va bouger. Alors, on n'aura peut-être pas des changements de positionnement des équipes dans la hiérarchie, mais les écarts vont forcément bouger d'ici Miami, puisque chacun va amener des évolutions, et effectivement, ça va bouger un petit peu. Toi, Alex, du coup, pour Ferrari, qu'as-tu constaté qui t'a marqué ce week-end? Bah, ça faisait bizarre de ne pas avoir une Ferrari en tête à la fin du premier tour. Hein. Je pense que... T'es pas passé loin, quand même. Côté salle de la piste, les deux. Effectivement. Non, bah, c'était un peu plus décevant. Hein. Problème pour Hamilton, effectivement, comme l'a dit Franck. Maintenant, tout va se jouer au développement. Châssis et un peu moteur, même si je pense qu'il n'y a pas non plus de révolution à attendre côté moteur. Voilà, c'est peut-être le moins bon Grand Prix de Ferrari sur les trois, hein, finalement. Je suis assez d'accord, c'est vrai que... Et le plus beau dépassement de la course pour Leclerc, quand même. Ouais, mais Leclerc a fait des très beaux dépassements, globalement. Ça, c'est... Il s'amuse en course, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Beau, hein. Ouais. On voit qu'il s'amuse. Leclerc, il est très positif, hein, sur les commentaires en course. Hein. D'ailleurs, il a dit encore, le règlement, il faut le changer, mais seulement sur les qualifs. Il pense comme nous, en fait. Ouais. Et ça le prouve, quand même, que... Tous les pilotes très très loin de là ne remettent pas en cause ce règlement. D'ailleurs, Hamilton pense la même chose. Une très belle bataille en piste, voilà. Vasseur, décidément, il est serein, visiblement. Il fait confiance et bon, il a raison, même si évidemment elles ont perdu du temps, hein, les Ferrari. Mais ça fait deux fois qu'elle bataille en piste. Ça nous montre aussi qu'Hamilton est beaucoup plus proche que l'an dernier. Ça fait quand même plaisir. Et globalement, les pilotes qui se plaignent le plus du règlement, c'est quand même ceux qui ont des voitures et qui ont le plus de soucis. Hein. Donc il y a aussi une corrélation, je pense, sur le fait que les voitures qui sont moins efficaces sont quand même plus pénibles à piloter et plus pénibles à gérer que les voitures qui sont bien. Parce que finalement, du côté des pilotes McLaren, Mercedes et Ferrari, personne ne se plaint de la réglementation en course. Norris. Hein. Oui, mais Norris... Oui. Ouais. Et Verstappen. Oui, mais c'est pas top team pour l'instant. factuellement, ils sont beaucoup plus loin des top teams que du peloton. Donc, je rappelle qu'ils sont derrière Albon pour l'instant. Norris a clairement un discours critique. Hein. Oui, il a un discours critique, mais après, je trouve qu'il a un discours critique au global, mais il n'a pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je trouve qu'il a pas, il a pas un discours aussi violent que on peut avoir de Verstappen ou d'Alonso, je pensais notamment. Ouais, il va perdre son titre, il est déjà forcément déçu, Norris, c'est pour ça. Hein. Ouais, mais bon, donc, il a eu un titre, donc c'est bien, tu vois. Oui, c'est déjà bien qu'il en ait eu un. C'est pas fini. Comme dit Hatchoum, oui, non, mais après, c'est sûr, c'est pas fini, c'est vrai que. Comme dit Hatchoum pour Ferrari, si un coup de mou, c'est P3 et P6, c'est pas mal, et ça, c'est vrai. On voit que Ferrari, pour l'instant, même les week-ends un peu moins bons, ça reste quand même très, oui. Très correct par rapport à ce qu'on avait vu. L'an dernier, P3 et P6, c'était un bon Grand Prix, quoi. Exactement, exactement. Ça. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, même si Mercedes a un peu d'avance, on est loin d'avoir une saison terminée, il reste encore de nombreuses courses. Et encore une fois, un mois de développement au devant pire, nous avant la prochaine. Qui gagne. Voilà. Oui, c'est sûr, quoi qu'il arrive, les tifosi. Je savais pas. Piastri, je veux bien la limite. Ça fait un peu Enzo. Ouais. On va passer à Alpine. Alors là, c'est quand même la surprise. Allez, parce Alex, que... le plus grand fan d'Alpine. Puisque Pierre Gasly termine 7e, 3e entrée dans les points consécutifs pour un Pierre Gasly qui, pour moi, surfe sur ce début de saison et est probablement un des pilotes les plus en forme de ce début de saison. Parce que même si Alpine va mieux, Colapinto n'est pas à ce niveau-là. Il termine 16e aujourd'hui. On voit Alors, Colapinto n'est pas un mauvais pilote. Il est simplement. Voilà, il est plus jeune, mais. Je pense que la performance de Pierre Gasly est totalement diluée par le fait qu'Alpine va mieux, alors qu'en fait il est quand même, selon moi, très très impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, et puis globalement ce que tu penses d'Alpine quand même avec ce moteur Mercedes qui apparemment a réglé beaucoup de problèmes. Oui, bah, depuis qu'ils ont réglé leurs problèmes de déploiement d'énergie, ce sont les meilleurs des autres et même meilleurs que Red Bull, donc on peut que tirer un coup de chapeau à Alpine. C'est vrai qu'on était très inquiets après le premier Grand Prix, et là pour l'instant ils nous donnent tort, donc tant mieux pour eux. Ils gèrent bien ce changement de réglementation, et ça nous arrache les cheveux de le dire, mais force est de constater que ça valide plutôt le discours de Briatore, hein, finalement. Voilà, maintenant je vais m'étouffer, mais bon, il faut être aussi objectif et être lucide quand c'est la vérité. Maintenant, c'est surtout, est-ce que c'est pour moi Gasly, c'est pilote du jour, hein. Ouais. C'est clairement le pilote du jour. Il tient derrière Verstappen pendant tout le Grand Prix. Alors même si Verstappen n'est pas évidemment cette année un monstre de motivation, et c'est un euphémisme de le dire, quand même, il a fait un super Grand Prix sans erreur, meilleur des autres. C'est la première fois de sa carrière qu'il marque des points lors des trois premières courses. Donc, c'est effectivement. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une super performance de Gasly ou de l'Alpine? Quand on voit effectivement un Colapinto qui est quand même plus en retrait, hein, qui est décevant, hein, désolé, mais il fait quand même un Grand Prix. Il est 15e en qualif, bon, c'était pas, il a eu quelques problèmes en qualif, mais il fait 15e en qualif. En Q2, il y a quand même presque une seconde d'écart entre les deux, donc ça pique. Donc là, est-ce qu'ils vont tenir le rythme? Peut-être que c'est plutôt Gasly qu'Alpine qui brille, on ne sait pas. En tout cas, bon, ben voilà, Alpine et surtout Gasly font un très bon début de saison. De toute façon, si Gasly fait ses résultats, c'est que l'Alpine peut les faire, mais c'est vrai qu'on voit surtout un Gasly qui a l'air de ne pas manquer un seul millième de seconde possible en qualif et pas manquer un seul tour correct en course. Il est toujours au sommet, quoi, c'est ça le truc. Franck, qu'as-tu à ajouter sur cette équipe qui est finalement subi un peu une renaissance cette année? Écoute, j'ai envie de dire que je suis positivement étonné par la manière dont ils arrivent à gérer leur première voiture de cette nouvelle ère, en tout cas, par leur gestion aussi du moteur Mercedes, qui n'est pas non plus d'une simplicité évidente, hein, puisqu'on a bien vu que McLaren galérait un petit peu à bien gérer sur les premiers Grands Prix. Alpine s'en est peut-être un petit peu mieux sorti que McLaren dans les outils à disposition pour ce V6. Donc pour l'instant, ils réussissent encore à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, voilà, il va falloir confirmer, surtout. Donc j'ai envie de dire bravo à Alpine pour avoir mis une base peut-être solide, en tout cas sur laquelle construire. Maintenant, il faut vraiment construire dessus. Donc moi, c'est plus sur la suite de la saison que j'ai envie de juger Alpine. J'ai envie de dire, ok, vous avez fait le pari du moteur Mercedes, il est là, il fonctionne, donc vous l'avez, très bien. La voiture que vous avez faite est plutôt bonne aussi, puisqu'elle est capable de jouer avec quelques anciens top teams. Il ne faut même pas classer Red Bull comme ancien top team déjà, je pense, voilà, mais en tout cas, pas très loin derrière les top teams pour un début de réglementation, donc c'est quand même plutôt bien. Maintenant, voilà, on sait à Enstone que le nerf de la guerre, souvent, c'était le problème du développement et du rythme de développement derrière. Et donc c'est là que tout va jouer. Donc moi j'ai envie de dire bravo à Pierre parce qu'il optimise, il maximise ce qu'il a. J'ai envie de dire à Franco attention de bien se réveiller à nouveau aussi, parce que clairement il y a des soucis, il y a des soucis je pense qui pourraient se pointer pour lui, même s'il a été assuré au moment de faire sa saison du côté budgétaire en tout cas. Mais voilà, c'est quand même plutôt rassurant pour Alpine et pour Alpine Mercedes. Voilà, alors que justement, c'est quand même ces bonnes performances arrivent au moment où il y a 24% de parts à vendre. Et il vaut mieux 24% de parts à vendre d'une équipe en forme qu'une équipe qui n'est pas en forme. Donc, c'est sûr que les 24% valent plus cher que l'an dernier, ça c'est sûr. C'est Otro Capital qui a dû sortir le champagne tout à l'heure. C'est vrai que c'est le bon timing pour eux. Mais après, voilà, attention parce que pour l'instant, clairement, Alpine est Gasly dépendante et ben déjà il va falloir le garder à terme. Alors ça, bon, l'avantage c'est qu'il y a là un Gasly comme on l'a vu aujourd'hui est particulièrement heureux puisque lui a dit que c'est à peu près la meilleure voiture qu'il ait eu de sa carrière en Formule 1 avec l'AlphaTauri 2021 qui était une très très belle voiture avec laquelle il avait fait énormément de top 5, top 6 en qualif et un podium. Mais voilà, c'est vrai que on a un Gasly qui est qui est pour moi qui fait sa meilleure saison, je pense, qui est le leader dont Alpine a besoin. L'an dernier déjà, il faisait des performances un peu miraculeuses et puis on avait des très belles choses de sa part malgré une voiture qui était en fond de grille. Wow. Donc forcément, les très belles choses c'était une Q3, voilà, tout simplement. Et puis c'était de temps en temps des points. Là, c'est vrai que en fait, il est juste le meilleur des autres. Donc voilà, impressionnant. Et à continuer comme ça, et puis après voilà, maintenant la question, parce que Alpine on sait a l'avantage d'avoir une voiture qui est au poids, ce que n'ont pas les autres, donc le défi pour eux ça va être d'améliorer le côté aéro de la voiture qui est plutôt son point faible, pendant que les autres vont faire une cure d'amincissement sur leur monoplace puisque il y aura moins de marge du côté d'Alpine pour ça, et donc évidemment s'ils veulent garder cette position il va quand même falloir que la voiture évolue positivement, et ce dès Miami. Et là, c'est effectivement le cas, c'est effectivement le moment, comme le dit Xoaz dans le chat, où le fait d'avoir un petit peu réduit les rangs peut coûter un peu plus cher. Mais bon, pour l'instant, on va pas critiquer. Effectivement, très bon début de saison et très bon week-end de la part d'Alpine et spécialement de Gasly. On va passer à Red Bull qui termine 8e avec Max Verstappen, 12e avec Isaac Hadjar. Alors ça va nous amener en fait sur plusieurs débats puisqu'on va parler du sportif, on va parler ensuite de Max Verstappen parce que globalement il y a eu pas mal de choses de son côté en termes de déclaration, de comportement tout au long du week-end, et globalement on va arriver ensuite à un débat sur la réglementation puisque c'est quand même le pilote qui la critique le plus. On va commencer par l'aspect sportif avec cette 8e place. Globalement, donc Verstappen n'a pas atteint la Q3 hier. Il a été un peu plus efficace que Hadjar en course, qui lui avait atteint la Q3 mais termine hors des points. Donc on a une Red Bull qui était clairement la cinquième force du plateau ce week-end, qui était derrière Gasly tout le temps dans le week-end et qui n'a pas réussi à vraiment qui surtout est très loin globalement des trois top teams actuels et qui est vraiment pour moi dans le peloton. Je sais pas, toi Franck, comment tu vois, est-ce que tu vois déjà plutôt le problème châssis, problème moteur, et est-ce que tu vois toi aussi aujourd'hui qu'on peut dire que Red Bull a reculé dans le peloton? Ah bah pour moi il y a clairement un problème de châssis d'abord, puisqu'on a Racing Bulls qui commence quand même son week-end quasiment devant Red Bull, qui se qualifie quasiment au même niveau. Racing Bulls c'est pas Red Bull, hein, je veux dire, en termes de moyens, en termes d'ingénieurs, en termes de en termes de ressources, c'est quand même, même si aujourd'hui il y a des plafonds budgétaires, c'est quand même censé être une voiture moins aboutie qui doit sortir des chaînes de production, j'allais dire, des ateliers de Milton Keynes d'un côté et de Faenza de l'autre. Et le moteur, c'est le même. Donc clairement, il y a un loupé côté Red Bull sur la réglementation, côté châssis et côté aéro. Donc la voiture, elle est pas facile à piloter, elle est même très inconduisible de temps en temps, voire même dangereuse selon Hadjar. Donc clairement il y a des choses qui ne vont pas. Ils avaient commencé quand même très très loin ce Grand Prix du Japon en essai libre, ça s'est quand même un petit peu amélioré vers la fin des qualifs, mais ça commençait quand même très très loin. C'était largement plus d'une seconde au départ. Finalement ça a un petit peu limité les dégâts, mais à un moment on les voyait peut-être même dans la deuxième partie du peloton, enfin pas tout au fond, mais à tous les deux éliminés dès la Q2 quoi. Je voyais même pas Hadjar passer en Q3. Bon. Donc ils ont à se rattraper au maximum de ce qu'ils ont pu rattraper, je pense. Voilà. Donc est-ce que Est-ce qu'encore une fois, c'est leur simulateur qui est pas bien calibré aussi, parce qu'ils partent sur des bases de réglage comme en Chine et à Melbourne qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc du coup, ça travaille beaucoup la nuit du vendredi au samedi à Milton Keynes pour vraiment rattraper derrière ce qu'il faut. Donc ça veut dire clairement qu'il y a un souci aussi dans le logiciel et donc du coup dans la corrélation entre la voiture et le simulateur. Donc ça, c'est un point quand même qui est à noter. Mais sinon, ouais, pour l'instant, c'est mode, on est en mode sauvetage. Hein. J'ai envie de dire, ça alimente la frustration d'Isaac aussi, je pense. C'est un petit peu comme, il est un petit peu comme Russell. J'ai l'impression, Isaac, en fait, c'est qu'il débarque dans un top team au moment où le top team va pas bien. Ouais. C'est un peu frustrant. Hein. Voilà, c'est clair. Donc, on espère évidemment pour Red Bull, pour Isaac et même pour Max, hein, parce que j'ai rien contre Max, que ça va vite s'améliorer. Il y a des évolutions assez importantes qui vont arriver. À noter que d'ailleurs que Max a des évolutions ce week-end et pas Isaac aussi. Oh. Donc là aussi, bravo du coup à Isaac pour la qualif et bravo plutôt du coup à Max pour la course, parce que là du coup les performances sont un petit peu inversées entre les deux. Mais en tout cas, voilà, ça joue à touche-touche déjà entre les deux. Donc moi, c'est vraiment aussi le point que j'ai envie de souligner, c'est que ça se confirme quand même que dans cette réglementation-là, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais on va plus à fond absolu pendant les qualifications, donc forcément, on va plus faire autant la différence. » Je suis désolé, hein, ils ont les mêmes armes, ils peuvent jouer de la même façon. Donc voilà, ça reste du pilotage. Hein. Ça reste du pilotage, il faut passer plus vite, on passe plus vite. Donc Isaac est au niveau de Max, ou pas très loin du niveau de Max. Peut-être qu'effectivement, il profite peut-être un peu plus de cette évolution de la réglementation pour être plus proche que les anciens équipiers de Max ne l'étaient. Ça c'est pas impossible. Maintenant, il est là, donc ça c'est le point pour moi extrêmement positif. C'est ce qu'on disait l'an dernier, c'est le meilleur moment pour Adjard d'arriver chez Red Bull, enfin mis à part le changement, enfin grâce au changement de réglementation. Évidemment, c'est aussi le pire moment parce que Red Bull est une équipe de milieu de grille. Hein. Factuellement, Adjard, c'est la seule chose qui aille bien chez Red Bull en ce moment. Hein. Ils sont un peu en crise de résultats. Elle est pas totalement inattendue. Hein. Mais on n'attendait pas une crise du châssis, on attendait une crise du moteur. C'est-à-dire avec un moteur très loin, et etc. Un peu, pas à l'Aston Martin, mais toute proportion gardée, à Red Bull qui serait en difficulté, non pas à cause du châssis, mais à cause du moteur, ça a l'air d'être l'inverse. Mmh. Et ça, c'est très surprenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que Red Bull a toutes les ressources hein, pour renverser la table. C'est vrai qu'il y a un souci de batterie pour Isaac au début de course aussi. Ce qui était déjà arrivé à Melbourne, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que... Encore des choses quand même à revoir du côté de... du moteur, mais bon, c'est pas normal. Hein. Pour le coup, le moteur est tellement jeune. Après, la VMAX, elle est là, le reste est là aussi. Donc, je veux dire, le moteur, il n'est pas largué comme le Honda. Le seul moteur qui est largué aujourd'hui en face, c'est le Honda, clairement. Mais c'est vrai qu'Adjar, on dit ça va, mais son interview avec Canal était déprimante. Il était en mode troll un peu, c'est-à-dire que c'était trois mots. Il a dit, de toute façon, c'est nul. Il était vraiment ronchon, ça fait un peu mal parce que... Imaginez si Red Bull était resté avec Honda. Ce châssis avec un Honda dedans, waouh. Wow. Bon, après, en même temps, le châssis d'Aston n'est pas non plus... Ça dépend si Honda avait annoncé son retrait ou pas. Je pense que la situation a été différente. Oui, aussi. Non, peut-être que Red Bull serait allé voir ce qui se passait chez Honda avant 2025. Ils sont quand même justifiés. Bon, après, on en parlera plus tard, mais ils ont quand même dit que, de toute façon, F1 ou pas F1, nos ingénieurs, ils vont faire du jet ski, des panneaux solaires et de la tondeuse à gazon. Hein, et que tout soit... Et voilà, ils n'ont pas compris ça encore. Mais bon, c'est la culture japonaise. Hein. Oui, bon, bref. De toute façon, il y a toujours 50% du temps sur la tondeuse à gazon. Ça, c'est obligé. Je pense que c'est plutôt Verstappen qui va bientôt faire du jet ski au vu de ses déclarations. Oui, il y a moyen aussi, effectivement. Donc c'est vrai que voilà, bon, c'est globalement un peu la soupe à la grimace chez Red Bull et en particulier chez Max Verstappen. Alors avant d'arriver sur la partie critique du règlement 2026, moi je voudrais déjà rappeler à Max Verstappen que les journalistes ne sont pas, c'est pas un service de communication, c'est-à-dire que les journalistes sont des journalistes, donc c'est des gens qui rapportent des faits, qui posent des questions qui parfois fâchent. Et puisque pour contexte, on a eu même jeudi, Max Verstappen de refuser de faire sa conférence de presse tant qu'un journaliste qui lui avait posé une question qui l'avait fâché en décembre 2025 n'était pas parti de cette conférence en question. Il s'est ensuite maladroitement expliqué que le journaliste avait souri en lui posant une question, et la question dont il s'agissait, c'était est-ce qu'il pensait avoir perdu le titre mondial au moment de son coup de sang en Espagne l'an dernier, où il percute volontairement George Russell, il prend une pénalité qui le fait reculer de la 5e à la 10e place. Et à ce moment-là, effectivement, c'est les points qui lui a manqué en fin de saison. Donc la question était totalement logique, au-delà du fait qu'évidemment elle lui déplaise, puisque bah, ça remettait en cause le fait qu'une de ses erreurs, et même je dirais un pétage de plomb, avait coûté les points pour le titre. En tout cas, on pouvait les retrouver là. Et voilà, donc il a décidé de ne pas faire sa conférence de presse tant que ce journaliste était, était pas là. Et bah, au moment de rejustifier ça le lendemain, il a juste dit, il a souri en me posant la question, donc il ne m'a pas respecté. Moi c'est un énorme carton rouge puisque en fait comme alors moi pour aussi bosser dans l'automobile, certains constructeurs font ça, ils pensent que les journalistes sont leur service de com. Non, un journaliste n'est pas un service de com, il a le droit de poser une question qui fâche, il a le droit de dire quelque chose qui dérange le constructeur ou le pilote ou l'équipe ou la fédération à partir du moment où c'est justifié. Et Max Verstappen doit comprendre qu'en fait les journalistes sont pas là pour lui passer la pommade. Et en plus de ça, il a quand même son propre service journalistique qui l'aide bien avec toutes les chaînes néerlandaises et tout ça qui ne sont quand même globalement assez complaisantes derrière. Il y a rarement de questions négatives et il peut, on l'a bien vu, puisqu'il fait des commentaires sur F1 TV où il est très poli, très lisse. Et puis derrière, il passe sur Viaplay et là c'est le défouloir. Ça fait déjà 3 week-ends que c'est comme ça et c'est sur Viaplay qui critique notamment la Formule 1. On y vient juste après. Donc voilà, je voulais un peu votre avis, messieurs. Oui. Bon, j'ai donné le mien et j'ai un peu donné le ton, mais sur est-ce que moi, est-ce que vous pensez quand même que Verstappen a le droit de dire ça ou est-ce qu'il franchit un peu une ligne rouge ? Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté de la presse. Enfin, c'est indéfendable. C'est indéfendable ce comportement et je pense d'ailleurs que ben voilà, il faudrait que la FIA, la FOM aussi. Hausse un peu le ton, il prouve aussi son manque de maturité. Il prouve qu'il n'a pas appris grand-chose de la leçon l'an dernier, bon, qui lui a effectivement coûté en bonne partie le titre, moins d'un point de vue des points. Donc, ce n'est pas un comportement défendable du tout. Moi, je pense que ça aurait été acceptable qu'il botte en touche en disant « Écoutez, cette question elle m'agace, je n'y répondrai plus. » Bon, à la limite, ok, je veux bien. Mais demander à un journaliste de partir, non, ça, ce n'est pas défendable. Oui, surtout que l'explication avançait le lendemain en disant que... Mais j'ai dit ça parce que en fait, le journaliste avait souri. Je ne suis pas certain. Ce qu'il a dit, ouais, parce que depuis le temps que je suis en F1, je sais détecter les bonnes intentions des mauvaises intentions. Ce à quoi notre confrère Case Colantine, qui est tiens, RaceFan, c'est un site indépendant que j'aime beaucoup, a répondu sur X de la manière la plus juste possible. Mais son coup de volant à Barcelone, ça aussi, on sait très bien distinguer quand c'est les bonnes intentions et les mauvaises intentions. Exactement. Voilà, j'ai trouvé ça absolument parfait comme réponse. Voilà, Max Verstappen, quand il a son coup de sang, on sait aussi le reconnaître. Je trouve que c'est parfaitement répondu. Donc voilà, donc il n'y avait pas plus à dire là-dessus. Moi, j'espère que si ça arrive encore une prochaine fois, les journalistes se mettent d'accord pour tous quitter la conférence de presse. Là, je pense que effectivement, tout le monde était tellement pris de sidération que voilà, c'était un peu difficile d'organiser le fait que tout le monde se barre. Mais maintenant que c'est arrivé, j'aimerais que si jamais ça se reproduise, tout le monde parte. Voilà. C'est dommage qu'il ait pas fait spontanément parce qu'en fait il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres non quoi. C'est ça. Mais là, je pense que c'était tellement inattendu en fait cet échange là que. Ouais. Je pense que tout le monde est sidéré derrière et ne savait pas forcément comment réagir. Là, je pense qu'effectivement il y a eu pas mal de grogne. Nous, on a relayé intégralement la. Je sais pas, beaucoup de sites l'ont fait, mais nous, on l'a fait sur notre site, relayé intégralement la chronique de. On va le citer comme Jill Richards qui est au Guardian. Donc du coup, voilà, c'est lui le journaliste en question qui a fait du coup le lendemain une chronique sur son site internet du Guardian où il s'est expliqué, où il a expliqué effectivement son point de vue, et le fait qu'effectivement jamais il s'était moqué de Max Verstappen, que c'était effectivement son devoir de journaliste de poser la question. Que ça plaise ou non à Max, que Max réponde, à juste titre d'ailleurs, qu'il a aussi le droit à beaucoup de cadeaux des pilotes McLaren pour remonter au championnat, et c'était aussi totalement vrai. Donc voilà, c'était une réponse qui suffisait à calmer n'importe quelle question sur le fait qu'il ait perdu son titre juste sur cette erreur-là. Ouais. Et tout le monde aurait très logiquement accepté cette explication. Et de toute façon, comme il l'a déjà. En plus, il a lui-même à l'époque, en 2021, dit à Hamilton que de toute façon, il ne fallait pas voir dans leurs accrochages le fait qu'Hamilton avait perdu le titre ou dans la mauvaise décision d'Abu Dhabi, mais que Hamilton avait perdu le titre en faisant son erreur à Bakou, etc. Donc son discours ne tient pas debout. Parce qu'en fait il change de discours parce que c'est lui qui est au centre du truc et que ça lui plaît pas en fait tout simplement. Donc voilà, au bout d'un moment il est quadruple champion du monde de Formule 1, il est le meilleur pilote du monde, alors c'est pareil là aussi. Petite pensée à tous ceux qui nous expliquaient l'an dernier que Max Verstappen gagnerait avec une Racing Bulls, une Haas ou n'importe quelle voiture, parce que bah non. Max Verstappen n'est pas surhumain, c'est ce qu'on a beaucoup dit l'an dernier, c'est-à-dire que oui, Verstappen fait des très bonnes courses, Verstappen est très bon, là-dessus, ça a été le meilleur pilote du monde, ça l'est peut-être encore depuis pas mal d'années, mais Verstappen n'est pas un surhomme, n'est pas Verstappen répond aux mêmes lois de la physique que les autres, c'est-à-dire les lois de la physique de sa voiture, et voilà, et on voit que bah, quand il y a des limitations, il est bloqué par les mêmes limitations que les autres, et en plus de ça, il a tendance un peu à en rajouter sur le fait que finalement, il est quand même vraiment grognon, tout le temps en train de se plaindre. Et globalement, c'est pas un très bon leader pour son équipe, en plus, je trouve. Parce que au-delà de toutes ces critiques sur la F1, les journalistes, etc., il est très souvent critique sur la voiture. Et il y a peu de messages on l'avait déjà noté en Chine, mais il y a peu de messages de sa part pour dire allez, aux Lakers, et puis on va y arriver ensemble, quoi. Et, il y en a un petit peu, mais ça dérive très vite sur la réglementation. Ouais, voilà. C'est ça. Ou et son propre plaisir personnel. Exactement. Et voilà. Et je pense que, enfin moi, bon, voilà, je pense qu'un Max Verstappen est important pour la F1 quand il est dans le Max Verstappen qu'on a vu ces dernières années, parce que c'est quelqu'un qui anime des courses, dynamite les courses. Enfin voilà, même au-delà du fait qu'il y a des moments où il dépasse la limite, mais là, je trouve cette année que c'est un discours permanent négatif et puis un peu, enfin assez décevant. Alors après, évidemment, ces critiques sur la réglementation ne sont pas toutes sorties de nulle part et elles ne sont pas toutes injustifiées. Pas fondées. Ouais, puis c'est surtout que ça fait longtemps qu'il l'a dit. Hein. Oui, voilà, lui, il l'a dit dès les premiers, dès les premières ébauches réglementaires, donc là-dessus, on ne peut pas lui en vouloir. On peut pas lui dire que c'est seulement parce que sa monoplace est mauvaise qu'il dit ça, parce qu'il disait déjà en 2023. Ouais, on ne peut pas le taxer d'opportunisme. Là-dessus, on est réglo avec ce qu'il dit. Les qualifications, on est entièrement d'accord avec lui. Ouais. Enfin, tout le monde d'ailleurs est d'accord avec lui. Voilà. Ouais, bah, tout le monde, oui. Même Leclerc, enfin tout le monde. Après, il y a le côté naturel ou artificiel des dépassements en mode gestion d'énergie, en course qui continue à poser débat, mais où là c'est un peu plus équilibré entre les pilotes. Hein. Il y en a qui adorent comme Leclerc, Hamilton, il y en a d'autres qui disent que ça reste encore un peu trop artificiel. Ça s'entend de moins en moins, mais on l'entend encore. Voilà. Maintenant, être autant négatif que Verstappen, il n'y a que Verstappen. Et des fois Norris comme ça qui est sur le point d'ironie envie de le faire. Sainz c'est plus sur l'aspect sécurité lui quand même, hein, je pense. Plus que sur le côté bon évidemment qualification, mais il est plus sur le côté sécurité maintenant que sur le côté déroulement des courses. Donc après ça n'empêche pas que l'un ira avec l'autre, hein, mais puisque voilà le côté gestion d'énergie forcément impactera aussi le côté vitesse de rapprochement entre les voitures et donc du coup le côté sécurité. Mais c'est vrai que le côté ultra négatif sur la réglementation actuelle, il n'y a que Verstappen qui aujourd'hui tient ce discours-là. Et Alonso. Alonso aussi, mais bon, Alonso, le problème, c'est qu'on ne voit pas se battre vraiment pour l'instant. Donc il n'est pas vraiment considéré dans sa propre. Sur cette voie-là. Donc je pense que son discours deviendra peut-être plus audible quand l'Aston sera peut-être un peu plus mêlé au paquet en termes de course. Mais on a quand même beaucoup plus accentué sur ce qu'a dit Verstappen sur la réglementation. Et autant je suis totalement d'accord avec Max Verstappen sur le côté qualification. Et il y a des moyens d'agir, il faut le faire. J'espère qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils vont limiter. Peut-être 3 ou 4 mégajoules sur les 9 possibles, ces batteries sur les prochaines courses, tant qu'on peut pas augmenter parce qu'en fait le problème c'est qu'apparemment on peut pas augmenter le débit de carburant de ces moteurs thermiques là, certains l'avaient suggéré, mais le problème c'est que beaucoup d'ingénieurs disent que c'est pas possible, ou alors il faudrait peut-être le remplacer 3 fois ou 4 fois plus par saison parce que on aurait tiré trop dedans en qualif. Donc là du coup après c'est des questions de coûts, c'est des questions de est-ce qu'on libère le COS4 moteur pour pouvoir changer plus, voilà, donc il faudrait revoir pas mal de choses. Donc augmenter le moteur thermique ça semble assez impossible pour cette saison là, par contre ça sera en discussion pour 2027 dans cette réunion du mois d'avril. Mais limiter, je sais pas, à la moitié de ce qui est possible, hein, le côté énergie électrique pour les qualifications, histoire qu'il n'y ait plus du tout de lift and coast ou de super clipping, ça c'est totalement faisable, quitte à accepter 3-4 secondes de moins par tour, quoi. Après, pour le côté course, je suis désolé, Max, il va falloir s'y faire. Pour le côté course, je suis désolé, Max, là, il va falloir s'y faire. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Sur les qualifs, quand même, carton rouge à la FOM qui a censurer les images du centre Inter, notamment lors de la pole, du tour de pole d'Antonelli sur ses réseaux sociaux, et qui s'est fait tout de suite reprendre, notamment sur X par une note de la communauté. Enfin, ça fait vraiment un peu cache-misère. Mais c'est pas la meilleure manière de communiquer. Alors, on a quand même vu pas mal de problèmes sur cette partie du circuit tout le long du week-end en termes de caméras embarquées. Et comme l'a très justement dit la FOM, si vous voulez voir le tour d'Antonelli, vous avez qu'à regarder le ghost avec Russell, et on voit effectivement on voit des problèmes. ils ont pas caché tout ça à Melbourne et tout, donc je suis pas sûr que là pour le coup j'y vois un emballement qui est pas forcément justifié, parce que en fait il y a eu pas mal de soucis de. En plus il y a des relevés télémétriques qui ont montré qu'en plus il y avait plus rien qui venait de la bonne place d'Antonelli, donc. Ouais. Donc je pense pas que c'était un je problème. Je pense pas. Ouais, je pense que là c'est un peu. La théorie du complot était un peu emballée, ouais. était fausse. Voilà. Pour moi c'est juste un souci de mécanique. On a vu quelques problèmes de transmission, même le transpondeur de Lawson qui a déconné toute la course. J'ai l'impression qu'il y avait un souci global de communication sur le circuit. Et du coup, et oui, il y a des gens qui ont mis la barre de Antonelli. De toute façon, en fait, Antonelli ou pas, on s'en fout, parce que tous les autres, on pouvait voir le 130R et voir exactement le même phénomène, voire même pire. S'ils avaient voulu limiter la casse et cacher la misère, il aurait fallu enlever la vidéo de Colapinto qui perd 70 km/h entre l'entrée du 130R et le freinage de la chicane. Donc pour moi, non, il n'y a pas de. Pour moi, c'est pas une censure. Pour moi, c'est effectivement juste. Alors, après, on peut critiquer le problème qu'ils aient eu des soucis de communication à ce point-là, mais je pense pas que. Je pense pas qu'il y ait une volonté de cacher le truc. Ils sont de toute façon, ils le savent, hein, les qualifications sont un problème. Et d'ailleurs, on parlait de pilotes très critiques. Leclerc est un des plus critiques. Il a été ultra violent samedi. Et lui, par contre, est très objectif. C'est-à-dire qu'il est ultra violent samedi et ultra positif le dimanche. Et je pense que voilà, il y a un juste milieu dans les déclarations. Maintenant, messieurs, je veux passer sur le troisième volet, cette discussion globale autour de Red Bull, parce que des critiques de Verstappen, en rejoignant les critiques des autres pilotes, et notamment de Carlos Sainz, sur la sécurité et sur l'accident. J'aurais voulu quand même dire un dernier mot sur les menaces de Verstappen. On a oublié. Il y a quand même eu un gros article qui est sorti ce matin, juste après la course, effectivement, où on a mis une première version de l'article avant d'avoir des déclarations, comme tu as dit, à Viaplay. Beaucoup plus long sur le sujet, effectivement, où voilà, il dit clairement que dans les jours ou les semaines à venir, peut-être les mois, si jamais il n'arrive pas à trouver une conclusion claire, il allait réfléchir à son avenir en F1. Donc clairement, ça fait plusieurs fois qu'il menace. Là, maintenant, pose-toi, réfléchis et donne-nous ta réponse. J'ai envie de dire, je pense qu'il va quand même un petit peu attendre de voir ce que la F1 va faire en termes de réaction par rapport à ça. Je le vois pas partir comme ça sans attendre une évolution du règlement ou de voir ce qui sera décidé pour 2027. Voilà, s'ils voient qu'effectivement qu'en 2027, ils vont tous décider de mettre 70% de thermique et 30% d'électrique et que les batteries seront mieux adaptées à tout ça, je pense qu'effectivement, il restera. S'ils voient qu'effectivement, la F1 s'embourbe à ne pas pouvoir gérer des qualifications à fond, ce genre de choses, peut-être qu'il prendra encore plus facilement la décision de s'en aller et de se consacrer uniquement au GT. Voilà, donc il s'est quand même longuement exprimé là-dessus sur son manque de plaisir. On peut le comprendre, hein, je critique pas du tout le fait qu'on manque de plaisir dans ce genre de situation. Hein, je pense que tout le monde l'a dit en qualification. Maintenant, pour la course, je suis désolé, il y aura pas beaucoup de changements. Et pour moi, c'est salutaire, parce que je préfère ces courses-là où les pilotes ont une arme stratégique à leur disposition pour pouvoir dépasser, que de me farcir du Suzuka sans aucun dépassement chaque année, quoi. C'est clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Ouais, et Verstappen a toujours aimé les voitures avec beaucoup d'appui, et beaucoup de vitesse en virage, de survirage, etc. C'est plus le cas aujourd'hui. Et effectivement, la caractéristique globale des voitures va rester. Et je vois des voitures glissées, des voitures faciles à rattraper. Après, moi, je voudrais quand même défendre, pareil, la constance de Verstappen. Il a toujours dit, hein, si le règlement ne me plaît pas, je vais considérer, il y a autre chose de plus important dans la vie. Ça, encore une fois, il a toujours dit. Et de toute façon, après, ça rejoint, c'est entendable. Si ça ne lui plaît pas, il s'en va. Franchement. Et ça rejoint un point plus global d'ailleurs, où on a eu un Verstappen qui, quand il a eu son premier titre en 2021, a dit de toute façon, moi je suis pas là pour les empiler et la F1 c'est pas une fin en soi. Qui parte fin 2026, fin 2027, fin 2028, c'est de toute façon le plan global qu'on avait pour lui et qu'il avait il a toujours dit, moi la F1, j'y serai pas beaucoup. C'est un titre et là c'est bonus, il a dit. Et il a toujours dit, j'y serai pas beaucoup après mes 30 ans. Donc au final, le fait qu'il parte, c'est pas un échec de la F1. Et moi, ça m'agace un peu qu'il en joue aujourd'hui comme une. Il est constant dans son propos. S'il part, on peut être sûr qu'il y aura des rumeurs d'un retour pour la prochaine réglementation. Hein. Ça, évidemment. Après, peut-être qu'il fera une Alonso et que ce sera le cas. Hein. Mais voilà, après. Après, effectivement, il y a ce côté où il est constant avec lui-même, donc c'est dommage aujourd'hui d'en faire un élément de chantage, alors qu'en fait, c'est juste que, ben, oui, on savait très bien que quand la réglementation changerait, il serait moins à l'aise, ça lui plairait moins. Oui, on sait très bien qu'une fois qu'il aurait fini sa phase de domination, ou en tout cas de jouer les titres, bah, il y aurait un coup de motivation en moins, je pense que ça fait à tous les pilotes. Et oui, on savait que de toute façon, à la fin de son contrat qui va jusqu'en 2028, il allait remettre en question sa place en F1. Donc, en fait, il ne va pas falloir attribuer à la Formule 1 et à la réglementation 2026 un truc qui va se passer avec pas trop de décalage par rapport à ce qu'on envisage depuis quasiment 10 ans. Parce que finalement, Verstappen a toujours dit, même, et il l'avait dit avant même de jouer les titres, que de toute façon, étant arrivé en Formule 1 à 17 ans et ayant tout donné dans sa vie pour les sports auto, il n'allait pas faire comme certains pilotes et rester en F1 jusqu'à 40 ans. Ça, il le dit depuis qu'il est adolescent. Donc, il faut relativiser et il faut arrêter de trouver des excuses en disant la F1 tue le spectacle, elle fait partir Max Verstappen. Déjà, soyez rassurés, la F1 survivra au départ de Max Verstappen, comme elle survivra à celui de Lewis Hamilton ou de Fernando Alonso, comme elle a survécu au départ de Michael Schumacher ou d'Alain Prost, voilà, ou d'autres champions avant. La F1 vit sans ses champions du monde, c'est pas grave. Et je pense qu'il faut arrêter de dire, voilà, c'est de la faute de la F1. Non, alors oui, la F1 ne lui plaît pas actuellement, et c'est entendable, mais ce n'est pas une erreur de la Formule 1 qui fait partir Max Verstappen. Donc voilà, moi, c'est un peu ce discours-là que je trouve on mélange un peu tout. Je vais souligner deux choses, parce j'ai eu la question dans le chat, est-ce qu'on préfère qu'il parte ou qu'il reste? Évidemment, moi, je préfère qu'il reste. Le meilleur pilote du monde, certainement. Quand je vois ce qu'il est capable de déployer au Nürburgring, évidemment, sur un circuit qui est absolument dantesque, et qu'il est capable de maîtriser tellement rapidement et facilement, évidemment, qu'il a des talents de pilotage qui sont incroyables, et que du coup, il a évidemment toute sa place en Formule 1, que je serais évidemment ravi de rester en F1. Je tiens juste à souligner, effectivement, qu'il y a un article qui est sorti pendant le live, hein. Enfin, on l'avait programmé, hein. Je ne l'ai pas écrit pendant le live, hein, rassurez-vous, qui est le dernier article du jour, donc sur Wolf, qui voudrait évidemment garder Verstappen en F1, mais qui dit aussi que, voilà, il dit Max est quelqu'un d'émotif, pour lui le plus important est le plaisir de pilotage, je peux facilement imaginer que ce ne soit pas le cas actuellement. Il dit ce serait dommage de perdre Max en Formule 1, mais la Formule 1 est en train de changer et elle devient de la pure course. Et c'est très excitant de voir quelqu'un récolter de l'énergie et quelqu'un d'autre la déployer. C'est aussi ça une science de la course à développer. Et ça, c'est dans les mains du pilote, c'est exactement ce qu'on disait. Mmh. Mais peut-être que Max et d'autres préféraient les règles de l'an dernier, où ils n'avaient pas vu un seul dépassement ici ou presque. Est-ce que personne se plaint d'avoir du manque de belles courses? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? À ce moment-là, il y a eu un silence total des journalistes qui étaient présents. Évidemment, les seuls qui se plaignent, ce sont juste les consultants, les vieux, les traditionnistes qui visent tout à l'ancienne. Donc il dit, pour moi, la course n'est pas le problème, nous devons travailler sur les qualifications, nous le ferons à Londres le 9 avril. Voilà, c'est exactement toute la bonne réponse. Et par contre, il refuse de sauver Max Verstappen, hein, parce qu'il dit qu'il a deux pilotes qui sont parfaits et qui prévoient un changement pour 2027. C'est pas parce qu'on a le droit de faire des critiques sans être immédiatement dit, vous êtes un vieux conservateur traditionnaliste aussi, et on est les premiers à le faire sur les qualifs aussi. Hein, donc, faut être un peu dans la nuance. Quoi. Et Verstappen n'est pas trop dans la nuance. C'est ça, et moi, j'aime pas trop non plus le fait qu'on attribue à Verstappen en disant c'est le seul qui est un compétiteur, c'est le seul qui veut du sport, c'est le seul qui veut... Mais arrêtez, enfin, je veux dire, ce que font les Hamilton, pilotes aujourd'hui... c'est pas un compétiteur. Non, mais c'est ça. On a des Hamilton, des Leclerc, des Norris, des Russell, des mecs qui en veulent et qui sont depuis des années au sommet, qui sont des pilotes qui lâchent rien, qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont, et même ceux derrière, ils sont beaucoup moins vocaux. Mais quand on voit les efforts, on a vu la Hülkenberg tout à l'heure qui est sorti à peu près une 11e place, qui est remonté 8 places dans le peloton, qui était éclaté à la fin de la course. On a des pilotes qui sont au meilleur niveau, qui donnent tout ce qu'ils ont. Et non, Max Verstappen n'a pas la seule vision bonne du sport automobile. Et si la F1 lui convient plus, eh ben j'espère qu'on le retrouvera. On va le retrouver en GT, mais j'espère qu'on le verra aux 24 heures du Mans, parce que moi, j'ai envie de le voir là-bas. Ouais. Et j'ai envie de le voir avec un line-up de soit des grands de l'endurance, soit des pilotes de F1, soit les deux. La Bob, c'est pas du tout artificiel, hein, au passage. Oui, alors déjà, bon, ça. C'est comme les gens qui nous nourrissent. Très bien dit, Alex. Les gens qui nous nourrissent d'images d'IndyCar depuis 2 semaines avec des déplacements faits au push-to-pass. Arrêtez, arrêtez, ça m'énerve. Parce que vraiment, on est sur quelque chose de totalement. Là, le dépassement pour la victoire en IndyCar il y a 2 semaines, on nous le ressasse depuis 2 semaines. La gestion du carburant en IndyCar, enfin désolé. Mais c'est le sport le plus stratégique au monde. Alors qu'ils ont une voiture qui a 12 ans, qui est en bout de course, qui n'y a pas d'hybridation, il n'y a rien. Oui, 14. Oui. enfin, c'est la 15e saison. Au bout d'un moment, faut se calmer et faut vraiment doser un peu les critiques sur la Formule 1 parce que, en fait, ouais, c'est pareil. Là, j'ai entendu Jean-Luc Roy qui était sur RMC qui disait la F1 devient un spectacle, mais ça n'a rien à voir avec le problème actuel. La réglementation n'a rien à voir avec la gestion de la communication de la Formule 1 qui, elle, devient un spectacle depuis 10 ans. Parce que depuis que Liberty Media est arrivé, oui, la F1 est un spectacle, mais la F1 est du coup un des sports les plus populaires au monde. Bah, est-ce ça qu'on... a toujours été un spectacle. Alors, est-ce qu'on. Bah, déjà, Bernie Ecclestone n'était pas exactement en train de nous vendre quelque chose de confidentiel, voilà. Et est-ce qu'on veut pas plutôt que la F1 aille aussi bien que ça? Enfin, encore une fois, on a des équipes qui sont financièrement à l'aise, on a un sport qui fonctionne très bien, qui communique parfaitement, qui a une popularité hors norme, c'est bien en fait. Non, mais... Et ça n'a rien à voir avec les F1 2026. Peut-être qu'ils préféraient une époque où les équipes étaient en quasi-faillite, où la F1 était un sport confidentiel, il n'y avait pas de dépassement et un vainqueur qui était connu dès l'été. C'était peut-être ça le vrai sport. C'est fou en fait. Et moi, et je trouve qu'on mélange tous les arguments, on mélange n'importe quoi pour essayer de nous dire « Regardez, la F1 est devenue n'importe quoi. » Arrêtez, parce que vraiment, il y a quasiment trois quarts des critiques qui sont des balles contre des buts contre leur camp. Et en plus, la Formule 1, elle sait maintenant s'auto-réparer parce que les équipes sont beaucoup plus ouvertes à réparer les problèmes de règlement, puisque là d'ailleurs ils vont en discuter déjà au mois d'avril. Hein. Du coup, exactement. Je réponds à Dateban, je ne sais pas comment on dit. Sur votre site, j'ai lu qu'il dit comprendre que la politique derrière empêcherait un petit peu de. Ah oui, mais ça c'est une nouveauté. Politique en F1, c'est vraiment une nouveauté. Alors oui et non, évidemment, tout le monde va un petit peu défendre ses acquis, mais Toto Wolff, qui quand même domine aujourd'hui la Formule 1, est le premier à dire qu'il faut changer les qualifications. Donc il sera donc du coup logiquement derrière effectivement une possibilité de revoir cette stratégie de déploiement énergétique, au moins en qualification. Par contre, je suis désolé, pour les courses, je vous garantis qu'il ne va pas falloir s'attendre à beaucoup de changements, parce que tout le monde applaudit ce qui se passe. Les patrons se sont encore réjouis aujourd'hui du spectacle qu'on a vu à Suzuka, et pourtant c'est Suzuka un des pires circuits pour dépasser. Ouais. Et beaucoup de pilotes aussi. Hein. Et beaucoup de pilotes aussi, donc il y a peut-être encore quelques ajustements à faire sur la course, je ne dis pas le contraire, peut-être qu'ils iront entre un mix... artificielle sécurité, voilà, peut-être qu'on peut trouver quelque chose d'un petit peu plus nuancé, je veux dire, dans cette gestion là mais sur la qualification, je peux vous assurer qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut agir pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus sympa, parce que c'est là-dessus que reposent les principales critiques aujourd'hui. Donc je pense que le côté politique, pour le coup, effectivement, il y en a toujours eu en Formule 1, il y en aura toujours. Mais quand il y a un problème pour la Formule 1, qui aujourd'hui génère des milliards et des milliards, qui est un sport hautement suivi et tout, je peux vous dire qu'ils n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied en faisant un sport qui est très fortement décrit sur les réseaux sociaux et par les fans. Donc ils vont tous très vite mettre la main à la pâte pour rectifier ça. Mais c'est ça, et Hatchoum le dit dans le chat, il dit les équipes savent que c'est en leur faveur d'améliorer la réglementation, plus de spectateurs à vie, c'est plus d'argent dans les caisses. Exactement. Ça leur revient à eux, et comme tu l'as dit très bien, Franck, pour moi c'est exactement ça, la F1 aujourd'hui sait s'auto-réparer. Donc. Laissons faire confiance, enfin faisons confiance aux gens qui savent ce qu'ils font, et arrêtons par pitié. La première course, il y a même pas trois semaines, hein, je vous rappelle. Gars. Ouais, et en plus, on a eu deux des pires circuits possibles en termes d'utilisation de l'énergie en début de saison. Alors après, les calendriers font que, effectivement, c'est pas de bol, mais voilà. Alors pitié, et puis pitié, arrêtez les arguments genre le WEC c'est mieux, le WEC est plus un sprint que la F1, l'IndyCar c'est... On verrait tout le monde regarder le WEC alors qu'il n'y a personne sauf pour les 24 heures du Mans, quoi. Exactement, et puis encore une fois, il y a une BOP, le WEC a une balance de performance pour qu'on que ce soit critiqué. Que les équipes n'ont pas le droit de critiquer, sinon, oula, attention. Et voilà, et encore une fois, c'est vraiment... et pareil, les gens qui disent « Ah, c'est devenu de la Formule 1 », putain, regardez une course de Formule 1, ça se voit que vous n'en avez jamais vu, parce que vraiment, c'est pas du tout le même type de spectacle. Donc, et voilà, et l'IndyCar, non, c'est pareil, l'IndyCar, il y a un push-to-pass depuis des années, et qu'est-ce qui se passe avec le push-to-pass? Le pilote a un quota d'énergie en plus qu'il utilise pour attaquer ou défendre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Donc voilà, au bout d'un moment... Arrêtez de faire des buts contre votre camp. Il y a assez de critiques à faire, et notamment sur les qualifications, où on va y venir sur la sécurité, parce qu'il y a un souci à régler de ce côté-là. Mais voilà, ne trouvons pas des arguments qui n'ont aucun sens pour défendre quelque chose, pour attaquer quelque chose qui peut être attaqué autrement. On peut parler de l'accident, hein, je pense, maintenant. On peut parler de l'accident, effectivement, parce que du coup, on a vu un énorme accident pour Oliver Berman. Heureusement, il va bien, il s'est un petit peu fait mal à la jambe, mais pas de fracture. et il sera de retour au volant la prochaine course. En plus, là, il a 4 semaines pour se soigner, donc tout va bien pour lui. 50 G néanmoins à cause d'un passage hors piste, puisqu'il a évité l'Alpine de Franco Colapinto qui était 90 km/h en dessous de sa vitesse. Alors, à lui au moment où il est double. Je rectifie, 90 km/h au moment qu'on fait sur certaines shots qu'on a vu, mais en réalisé, oui, avec le freinage et tout, c'était 45 au niveau de la voiture, exactement. Ouais. Donc c'est le chiffre officiel qui a été retenu par la FIA. Mais 45, c'est au moment où Berman commence déjà à freiner. Et c'est par ça, AS, voilà. Ouais. En fait, par AS, parce qu'il y a le communiqué aussi qu'on sortira demain avec des déclarations de Komatsu qui sont tombées encore cet après-midi, que Manu vous fera pour demain matin. Mmh. Voilà. De manière, voilà, et il parle bien, le chiffre officiel c'est 45 km/h, mais ça reste bien plus au départ, quoi. C'était effectivement, ouais, de 90 à 45 km/h effectivement, où il y a eu un moment où il est surpris, c'est 90 km/h, voilà. Et on est malheureusement dans le scénario du pire que prédisent des pilotes comme Carlos Sainz, comme Lando Norris depuis un mois, en disant il y a des différences. Alors, parce qu'on avait eu l'accident évité de peu au départ par Colapinto à Melbourne, mais ça c'était un problème de départ, donc on était plutôt sur le côté prudent, en disant voilà, faut pas penser que les F1 génèrent forcément des problèmes au départ, des dangerosités au départ. Par contre, là, on peut s'inquiéter à juste titre de la perte de vitesse de pointe des F1 dans des endroits à l'aveugle, et notamment pour des circuits comme Bakou, où il y a beaucoup de virages à l'aveugle dans des endroits très rapides avec aucun dégagement, où ce type de... concrètement, la manœuvre d'évitement de Berman, ça aurait été soit de percuter, soit d'aller dans le mur. Alors vous, messieurs, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a un travail urgent à faire? Et est-ce que, et après, dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez que Colapinto a aussi sa part de responsabilité? Je vais juste prendre la parole dessus, vas-y. Parce que j'ai quelques éléments à apporter, justement, par rapport justement aux déclarations de Komatsu qui sont importantes pour éclairer un peu le débat. C'est que... il est pas loin de parler d'une erreur d'appréciation pour Oli Berman, parce qu'en fait Colapinto, il a eu ce comportement là en piste à cet endroit là quasiment pendant tout le Grand Prix. Donc en fait il a toujours roulé de cette façon là avec ce mode de recharge là quasiment pendant tout le Grand Prix. Donc lui, il choisissait de faire effectivement son super clipping avant Spoon. Donc en fait c'était pas une nouveauté que Colapinto soit lent à cet endroit là. Voilà, ça a été effectivement, Berman a peut-être été surpris. La Komatsu dit peut-être qu'on aurait dû le prévenir. Il n'a pas voulu non plus parler d'erreur totalement de la part de Berman, mais il y a quelque chose quand même qu'il aurait peut-être fallu signaler au pilote de la part de Haas. Donc il y a un petit côté mea culpa quand même de la part de Haas par rapport à Berman. Ouais. Voilà. Après, effectivement, pour les vitesses de rapprochement, oui, c'est quelque chose qui est délicat, mais Alonso dit, c'est pas le pire, c'est pas les courses, c'est souvent en qualification, parce qu'en qualification c'est encore pire. En qualification, les différences sont encore plus importantes cette année quand il y a la recharge de certaines voitures. Et Alonso s'inquiète beaucoup plus des différences de vitesse de rapprochement en qualification qu'en course. Donc ça, c'est pour nuancer un petit peu le côté extrémiste. Attention, faut tout revoir, la sécurité est remise en cause en F1. Maintenant, voilà, c'est quand même un exemple d'un virage à l'aveugle où effectivement on peut tomber sur une voiture qui est beaucoup plus lente sans qu'on s'y attende. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de solutions à donner, ouais, moi. Ouais. Mais voilà, je sais pas si Alex a un autre avis là-dessus, mais non, j'ai le même avis. Hein. Je vois pas la solution effectivement. Hein. Alors, il y a eu toujours des différentiels de vitesse, mais là, effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Et pour dire qu'on est nuancé, c'est qu'on est plutôt positif sur cette réglementation, mais on n'occulte pas ces problèmes-là. D'abord, on est content que Berman aille bien, hein, puisqu'il, ouais, a pris donc près de 50 G. Il faut rappeler, Grosjean à Bahreïn, c'est 67, je crois. C'est ça. Donc, c'était un très lourd crash. On n'a pas vu 50, c'est ce que prend Verstappen à Silverstone en 2021. Ouais, c'est vraiment un énorme crash. On voit des images, on n'aime pas le voir. Alors, il s'est tenu la cheville, finalement, il n'y a pas de fracture, qu'une contusion. Franchement, s'il s'en tire finalement pas mal au vu de ce crash-là. Hein. D'ailleurs, c'était le premier vrai gros test de sécurité pour ces nouvelles F1, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il y a toute une architecture de sécurité à faire derrière. Donc, c'est quand même aussi quelque chose qui a été validé du côté de la FIA de ce côté-là. Donc effectivement, on n'a pas vraiment de solution. On ne peut pas dire non plus qu'on a été surpris. Hein. Sainz, pour le coup, est dans son rôle. Hein. On rappelle qu'il est président du GPDA en train de lancer ce problème de sécurité. Bah, il fait son job aussi. Hein. Ça, c'est clair qu'il est totalement dans ce rôle-là. Je pense qu'il y a aussi un rôle des ingénieurs, effectivement, à la radio, d'essayer de les prévenir. Mais c'est compliqué de tout gérer aussi. C'était peut-être un cas extrême. Il y a eu aussi le décalage de Colas Pinto. Voilà, la F1 va pas être Jeddah, bah, peut-être c'est tant mieux. Hein. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Le fait de pas être Jeddah est une très bonne chose pour moi. C'est trop tôt pour aller sur un circuit aussi rapide et aussi dangereux. Dangereux. Moi je pense déjà que, parce que j'ai vu la voiture de Colas Pinto à ce moment-là, n'a pas les lumières derrière, parce qu'en fait quand il y a de la régénération normalement il y a des lumières, mais j'ai l'impression qu'il y a juste le super clipping, il n'y a pas les lumières, et du coup peut-être, faudrait que quand il y a le super clipping les lumières ça clignotent autrement, ou voilà, mais qu'il y ait quelque chose qui indique au pilote derrière que la voiture récupère de l'énergie, parce que du coup il y aurait de la méfiance que là il n'y a pas, et on l'a vu que du reste, quand il y a de la récupération d'énergie ailleurs, dans d'autres circonstances, les pilotes sont OK avec le fait qu'ils disent tous, voilà, j'ai vu qu'il récupère de l'énergie, ils ont pris l'habitude, et peut-être que déjà, mettre ces lumières clignotantes sur le super clipping, et ça je pense que c'est faisable largement, assez facilement, compte tenu de toutes les possibilités d'une F1, ce serait une bonne première chose. Néanmoins, je pense aussi que les pilotes doivent s'adapter et doivent être plus prudents sur le fait que il y a des grosses différences de vitesse, et que changer de voie comme l'a fait, enfin de côté de piste comme l'a fait Colas Pinto, c'est un peu dangereux, et effectivement c'est ce que dit aussi Xoan, si le super clipping freine autant les pilotes devraient avoir le droit de changer de trajectoire, car c'est le moving under braking. Voilà, je pense qu'il y a des ajustements réglementaires, et puis donner plus de cartes aux pilotes pour qu'ils voient que la voiture devant va être avec un gros différentiel de vitesse. Et moi, pour moi, c'est la solution. J'y ai réfléchi tout à l'heure, et c'est vrai que ça va être difficile d'implémenter autre chose, parce que les voitures ont besoin de ces pertes de vitesse pour recharger l'énergie. Oui, le règlement sportif va changer. Le président de la FIA nous l'a promis il y a 5 ans, hein, donc tout va bien. Il faisait campagne il y a 5 ans, donc c'était facile de le promettre. Voilà, en tout cas, donc je pense que. Mais effectivement, il y a le débat de la sécurité. Et Norris avait dit dès Melbourne, hein, qu'il y avait des risques d'accident. Sainz a dit rapidement aussi. Donc voilà, c'est. Et c'est les critiques qui sont entendables. On en revient en fait au fait que si on veut critiquer les F1 2026, il y a de quoi faire, parce qu'il y a encore des gros problèmes de jeunesse. Ça en fait partie, les qualifs en font partie. Et là, nous, qui sommes plutôt défenseurs, ou en tout cas. Comme on disait tout à l'heure, pragmatique, à dire on va laisser la chance à la nouvelle réglementation, on voit que ça fait partie des priorités, et notamment parce que la sécurité doit toujours être la priorité absolue de la Formule 1 et de la FIA. Et qu'effectivement, il y a des problèmes qui se posent en matière de sécurité actuellement. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Franck, sur ce... Non, il va sûrement y avoir des discussions, hein, clairement, au mois d'avril, donc là je pense qu'il faut aussi laisser les... La FIA a répondu par un communiqué rapide, évidemment, pour essayer de calmer un petit peu les critiques qui commençaient à émerger. Notamment de la part de la panique, hein, quand j'ai l'impression. C'est ça. Mais voilà, sorti rapidement, ouais. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps d'analyser les choses. Heureusement, on est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Et Dieu sait que Suzuka, en termes de vie et de blessés, a quand même un lourd passé, que ce soit en F1, en moto ou d'autres disciplines. Hein. On a quand même eu encore en plus un accident hyper grave avant le départ du Grand Prix, hein, qui nous a d'ailleurs valu 10 minutes de retard avec une Porsche qui passe quasiment au-dessus des grillages, pas très loin des gradins. Donc ça reste un circuit hyper dangereux, hein. Très rapide, des virages aveugles et tout. Donc il y a aussi ce côté, voilà. Alors, on a pu expérimenter aussi la F1 version 2026 sur ce genre de circuit-là. Donc ça va aussi donner des enseignements aux équipes, à la FIA et à la F1, pour voir ce qu'on peut améliorer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des zones dans lesquelles, voilà, typiquement cette zone-là, l'année prochaine, on interdira peut-être le super clipping. Typiquement, et comme ça, il n'y a plus de problème. C'est aussi totalement entendable. Cette zone-là, est à l'aveugle, pas de super clipping. Basta. Et ça va pas plus loin que ça. Mais s'il n'y a pas de super clipping, il n'y a pas de recharge, donc ils auront quand même le mécanisme de la batterie vide qui ralentira les voitures à un moment ou à un autre. C'est ça. Donc il y a des solutions. Mais après, voilà, est-ce que c'est mais rajouter, autrement. Voilà, rajouter des modes ligne droite aussi. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, mais. Mais ou voilà. Ou moins d'énergie, comme on le dit. Ça va finir par. Tant qu'il n'y aura pas plus de thermique, ça va finir par, on va finir par diminuer l'énergie. Alors, et vous savez quoi, si on perd 3 secondes au tour, ça ne se verra pas. Donc, à l'œil nu. Évidemment que ça ne se verra pas. Voilà. Donc, oui, mais des solutions, il y en a, c'est pour ça. Et. Alors, je vois des gens qui veulent recaser Jeddah en septembre pour faire un quadruple header. Calmez-vous, s'il vous plaît. si la FIA vous lit, ils vont le faire. Alors, ne le faites pas. Non, je pense que Jeddah, effectivement, à mon avis, c'est un peu l'annulation qui est dans des conditions compliquées. Pour la F1, c'est pas plus mal parce que Bahreïn, ça aurait été un circuit intéressant avec cette réglementation dans le cadre temporel où on est actuellement, c'est-à-dire début de réglementation, mais je pense que Jeddah, c'est très dangereux. Voilà, et moi, je crains un peu certains circuits, notamment Bakou. Même Miami risque d'être un peu compliqué aussi. Donc voilà. En tout cas, voilà, mais effectivement, il y a des sujets de critique. Il y en a largement assez, donc n'en trouvons pas d'autres. Et puis ne critiquons pas gratuitement certaines choses qui vont plutôt bien. Bakou, c'est la ligne droite haute le problème. Mais le problème aussi, c'est que du coup, s'il y a du super clipping dans la partie redescente, ça fait deux virages en aveugle à 300 km/h entre les murs. Et on a déjà vu, même sans ça, des risques d'accident. Donc effectivement, après, il y a la grosse ligne droite. Mais la grosse ligne droite, l'avantage, c'est que ça se verra si une voiture est ralentie. Il y a quand même une très grosse largeur de piste. Mais c'est plutôt pour le super clipping qu'il y aurait dans d'autres endroits du circuit qui pourrait être un peu plus dangereux. Voilà en tout cas pour ce qu'on peut dire sur ce débat réglementation qu'on aura encore pas mal de fois dans la saison hein. De toute façon c'est évident que ça va évoluer et c'est évident qu'on aura encore des questions qui vont se poser et des problèmes qui vont apparaître parce que tout simplement on est sur un tout début de réglementation. On va passer à Racing Bulls. Avant qu'on passe à Racing Bulls, j'ai quand même envie de dire, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que j'étais pas multitâche dans le chat, je suis en train de sortir un article, parce que les journalistes de F1 qui ont un petit groupe entre eux ont réagi par rapport à ce qui est arrivé à Gilles Richards. Donc il y a un communiqué qui est sorti, et donc qui appelle donc du coup la FIA à prendre des mesures contre Red Bull et Verstappen notamment. Voilà, sinon effectivement il risque d'y avoir des soucis en termes de suivi de manière indépendante de la presse. Voilà, il y a aussi l'Union des journalistes italiens qui s'est saisie du souci. Donc je vous sors ça dans 2 minutes sur le site. Donc voilà, l'histoire ne restera pas sans lendemain. Alors déjà très intéressant puisqu'en fait on était pile en train d'en parler, donc ça c'est très très bien. Et puis vous voyez le site vivre en direct et ses coulisses se faire. Donc voilà, mais effectivement c'est bien qu'il y ait des réactions là-dessus parce que c'est comme l'a dit Alex tout à l'heure, c'est inadmissible et ça ne devrait pas être un discours qu'on peut entendre. Et Verstappen qui regarde le Twitch et qui continuera à regarder que si tu pars, Manu. Bah écoutez, attendez, bougez pas. Hop, voilà, allez-y, continuez. je cite juste la conclusion quand même de la conclusion effectivement de cette instance. C'est qu'une presse libre, respectée et protégée n'est pas une question secondaire, mais un pilier fondamental de la transparence et de la crédibilité de tous les sports, y compris la Formule 1. Bravo, voilà. Parfait. Il n'y a pas un mot que je ne soutiens pas dans cette phrase. Et en plus, voilà, c'est des choses qu'on voit des fois. Moi, j'ai participé à des tables rondes où il y a des tensions parce que les pilotes n'aiment pas la question et répondent un peu sèchement, etc. Et ça peut arriver. On demande pas des questions consensuelles, on demande pas, on demande pas non plus des journalistes qui ont le droit de critiquer gratuitement. Et il faut un juste milieu. Il faut que chacun puisse dire ce qu'il veut et les pilotes ont le droit aussi, quand ça leur plaît pas, de le dire. Mais voilà, il faut que chacun. Encore une fois, il faut que les pilotes, équipe, tout le monde comprenne que on n'est pas là pour faire la com, et c'est comme le WEC qui refuse qu'on critique son système de BOP, c'est pas normal, parce qu'en fait, le sport doit accepter les critiques, quels qu'ils soient. Je pense que ça s'attaque devant les tribunaux, ça. Hein. Ah bah oui, clairement. Hein. Pour moi, ça s'attaque, effectivement. Voilà, tout simplement, c'est du respect, comme on nous dit dans le chat, et exactement. On va passer à Racing Bulls qui continue sa moisson de points à coup de 2. Qui n'a pas respecté Red Bull en qualif. Hein. Oui, effectivement, puisque Arvid Lindblad déjà se qualifie dans le top 10 malgré encore un week-end compliqué. Il élimine Verstappen de la Q3 malgré des essais libres où encore une fois il a été victime de problèmes. Pour moi, je suis très impressionné de la maturité d'Arvid Lindblad et de sa capacité à performer en toutes circonstances. Une course un peu plus compliquée pour lui, avec notamment un moins bon timing de la neutralisation. Et Lawson, qui par contre en profite, fait une belle course malgré une qualification un peu décevante, et marque 2 points de plus pour Racing Bulls, qui s'accroche pas loin de Red Bull au championnat, et puis qui globalement marque des points quand même, et se retrouve une équipe de top 10 tout le long tout au long de ces trois premières courses. Toi, Alex, qu'est-ce que tu penses de l'équipe et de ces deux pilotes? Avec un peu d'humour, je dirais que Lindblad est le meilleur rookie de la saison. Alors évidemment, c'est le seul rookie, donc forcément c'est le meilleur, mais effectivement, il est... Fernando Alonso n'est pas mauvais non plus, mais... C'est vrai. Très bien. Donc oui, il est vraiment impressionnant. Alors il a fait quand même une course décevante, il a eu des problèmes de déploiement d'énergie, et Lawson avait un gros rythme pour le coup en course. Il maintient un bon niveau et il envoie quand même des signaux positifs aussi au management de Red Bull, Lawson, en inscrivant encore des points ce week-end-là. Mais on a un duo de pilotes solides et on a un châssis qui est quasiment au niveau de celui de Red Bull, ce qui pique un peu en le disant. Voilà, c'est la sixième, septième force du plateau, ce qui est pas si mal. Ils ont 14 points alors qu'Audi en a que 2. Et pourtant, en perf pure, il n'y a pas non plus un gros écart. Donc, on a aussi de la maximise. Il maximise beaucoup plus qu'Audi pour le moment, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier en début de saison. Donc, ils font du bon boulot. On ne peut pas forcément l'attendre beaucoup plus de cette équipe. Mais voilà, ce qu'on voit est quand même très positif pour le moment. Je pense que les deux pilotes sont au niveau quand même. Lawson, il est évidemment dans l'ombre, mais il se défend pas mal aussi. Voilà, moi, je tiens quand même à noter qu'il y avait, on n'en a pas trop parlé quand... On a parlé d'Alpine, mais avec une safety car à mi-course, on avait quand même 18 secondes d'écart entre Gasly et Lawson. Donc, ce qui prouve qu'Alpine a quand même creusé l'écart en milieu de grille et que Lawson et voilà, les Racing Bulls sont plus ou moins au niveau de Haas et de Audi. Donc, voilà, ça nous a donné des belles batailles en milieu de grille aussi. Entre Lawson et Ocon, c'était chaud. On fera un débat pendant la pause. Alpine est-elle devenue un top team? Je rigole, on ne va pas s'emballer. Le sourire crispé de Franck. Ne t'inquiète pas, on va pas faire n'importe quoi, Franck, je te rassure. Et toi, du coup, qu'as-tu pensé de ce week-end de Racing Bulls? Je croyais qu'on parlait de Jordan Peugeot, pardon. ils confortent un peu, comme vous disiez, effectivement, leur place d'équipe capable de mener le milieu de plateau, avec Alpine notamment, de mener la dragée, mener la dragée haute, tenir la dragée haute, voilà, à l'équipe mère Red Bull Racing, donc quand même à saluer, je pense que c'est pas évident pour une plus petite équipe qui est toujours moins bien soutenue que l'équipe principale de réussir comme ça, notamment en plus un début de réglementation, parce qu'on part vraiment sur des voitures toutes nouvelles. Après, en plus, Racing Bulls peut aller copier chez Red Bull l'an prochain. Je ne sais pas si forcément s'ils le feront cette fois-ci. mais non, ça me fait plaisir de voir que Lindblad est en forme, que Lawson aussi ne se laisse pas compter, parce que mine de rien, on commençait des fois un petit peu à l'enterrer par rapport à Lindblad, mais en course, il est quand même bien là. Après, comme on l'a déjà dit, c'est pas forcément l'équipe qu'on suit le mieux en France maintenant depuis que Isaac est parti chez Red Bull, donc c'est on lui accorde naturellement, et vous nous en voudrez pas, un peu moins d'attention que ce qu'on pouvait lui emporter par le passé, mais on surveille quand même évidemment tout le monde, tout ce qui se passe, et clairement, moi je vois en Lindblad un futur grand de la F1 capable de remplacer Max Verstappen. Qui sait, peut-être. Voilà, quand on sait le management positif qu'exerce Laurent Méquies avec les jeunes pilotes, je vois pas de problème pour faire venir quelqu'un d'assez peu expérimenté chez Red Bull dès l'année prochaine, si besoin sans se sentir. Donc j'ai envie de dire que cette équipe-là, elle est quand même mieux partie que ce que je pensais dans cette réglementation-là, clairement. Et que maintenant c'est un peu comme Alpine, c'est le même nerf de la guerre, c'est le développement. Qu'est-ce qu'ils vont réussir à sortir comme évolution, comme pièce pour ne pas se laisser redistancer par les top teams ou rattraper par d'autres derrière. Je pense notamment à Aston Martin, même si ça sera pas pour les premiers mois, mais j'espère pour eux quand même que d'ici la fin de la saison, Aston Martin aura réintégré le milieu de plateau de manière constante, voire même commencer à chatouiller un petit peu plus Alpine devant, mais c'est pas gagné, je vous le dis. J'ai vu qu'on a fait la même. C'est pas gagné. Voilà, tout en fait va dépendre des problèmes que Honda va pouvoir résoudre. Mais voilà, j'ai envie de dire bravo Racing Bulls pour ce début de saison, parce que c'est comme trois grands prix plutôt bien maîtrisés, plutôt bien réussis, avec un bon choix de pilote, Lindblad, voilà, qui était pas forcément quelqu'un de bien connu du grand public. et qui est en train de s'imposer comme étant effectivement un très très bon choix dans ce plateau de la F1 qui est décidément de très très haut niveau. Hein. Ouais, moi je suis encore une fois impressionné par Lindblad et sa maturité. Après notre débat, Alpine est-elle devenue un top team? On fera Racing Bulls, est-elle devenue la meilleure équipe italienne? Non. La réponse est déjà non. Ah, la violence. Ah, par contre, moi, je suis plutôt confiant pour eux pour le développement de la voiture, parce qu'en fait, ils ont une voiture avec des solutions hyper simples, hyper safe. Il n'y a pas de grands paris sur les suspensions, il n'y a pas de grands paris sur le refroidissement, il n'y a pas de grands paris sur l'aéro. À part l'activation de l'aileron avant. Et super je pense... livrée, il y avait une super livrée. Ah, la livrée était incroyable. C'est un problème quand tu as une livrée spéciale qui est beaucoup plus belle que ta livrée classique. C'est un peu le souci. Digne de celle de Red Bull l'an dernier à Suzuka. Complètement. Pour moi, c'est le même niveau. S'ils prennent pas de risque sur l'aéro, c'est que aussi pour des jeunes pilotes, il faut des voitures faciles. Hein, ouais, exactement. Non, puis je pense qu'ils ont, décidé voilà, sur le refroidissement avec un nouveau moteur de ne pas prendre de risque, de casse et tout ça. Et on le voit, la voiture est plus fiable que la Red Bull. Et pour moi, il y a de la marge. Je pense que pour une équipe de milieu de peloton, en fait, ils ont raison de ne pas se mettre des problèmes en plus à régler et de pouvoir directement s'attaquer à l'amélioration. Et je pense que c'est bien vu de la part de ceux qui ont décidé ça, notamment, j'imagine, Alan Perman, mais... D'avoir pris ce parti-là. Et je pense que du coup, ça peut s'améliorer, ou en tout cas tenir le choc. Alors, peut-être pas face à Red Bull, parce que c'est pas la même machine d'ingénierie, mais ça peut tenir le choc face à Audi, face à Alpine, face à d'autres. Et pour moi, ils peuvent jouer les points tout le long de la saison. Et je ne vois pas du tout, parce que j'ai vu qu'avec Alex, on a fait la même tête sceptique, je vois pas du tout Aston Martin revenir sur eux, même d'ici la fin de saison. Mais j'y crois pas une seule seconde. Vu les écarts, une fois, Racing Bull, c'est dans la seconde derrière les top teams. Aston Martin est dans la seconde derrière Cadillac, donc c'est un peu pour problématique. Je vois Aston Martin revenir sur Cadillac. Ouais, bah pareil. Et encore, ouais, c'est là aussi, c'est sous réserve 2, comme on dit. Mais on y reviendra, puisque évidemment, on n'a pas encore abordé le chapitre Aston Martin. On vous fait du watch time chaque semaine, hein. Nous, ça nous permet de... Franchement, il y a un peu d'acharnement. Hein. Ouais. Oui, sûrement. D'ailleurs, ils vont peut-être nous dire qu'on n'est pas très sympa avec eux. Mais bon, après, on a encore eu quelques petites choses venant de Honda qui montrent que c'est un petit peu tendu quand même entre Aston et Honda. On y reviendra parce qu'effectivement, plus on en apprend, plus on voit que ce n'est pas tout rose en coulisses non plus. Warius dit, je reste toujours stupéfait qu'une équipe avec Alan Perman à sa tête soit aussi saine quand on sait tout ce qui a été dit sur le monsieur. C'est pas faux effectivement. Après peut-être qu'il a atteint l'âge de maturité lui aussi, qui sait. Mais il y a Peter Bayer quand même qui est toujours là, ouais. Aussi hein, donc ouais. En contre-pouvoir. Qui pour moi est le gros élément de stabilité de cette équipe, parce que c'est quelqu'un de très positif et très un bon management. Et je pense que du coup Perman a beaucoup plus de gestion opérationnelle et ça évite qu'il soit obligé de gérer les pilotes, puisqu'on se rappelle que finalement il a presque le même rôle que chez Alpine, hein, parce que c'était quasiment lui qui tenait la barre, hein, puisque les patrons se succédaient. Ouais, c'est bien. Et l'important, c'est qu'il n'ait pas trop à gérer les pilotes, notamment, parce que ça, c'était quand même son gros point faible à l'époque, où on l'a entendu rabaisser des pilotes et quasiment les mettre plus bas que terre en course, donc c'est pas plus mal. Mais ça, il n'y a pas trop de dilettantisme, apparemment, chez Racing Bull. Non, il n'y en a plus nulle part, maintenant, de dilettantisme. c'est un mot qui n'existe plus en Formule 1. Ah, d'accord. Je sais pas. Chez après. Aston Martin, non, oh, pardon. Ah, c'est... ah oui. Alors peut-être. Chez Honda peut-être. Oh, chez Aston aussi. Quand tu mets 2 ans à prendre des nouvelles de ton partenaire moteur, je pense que c'est qu'il y a un petit peu de dilettantisme. Le moteur, il arrive quand par DHL, là, s'il vous plaît. En fait, ça s'est passé comment, vos 2 ans de travail? Ah, mais j'ai parti le numéro de tracking. J'ai parti le numéro de tracking du colis. Vous êtes en fin, quelle coïncidence, nous aussi. Ah, mais vous êtes avec Aston Martin. Allez, là, quelle coïncidence. Nous, on est Aston Martin. Absolument qu'on s'en compte. Ah, ben enchanté, monsieur Watanabe. Apparemment, c'est vous, du coup, le patron de tout ça. Non, bref, on y reviendra. Faut pas s'en empêcher. Non, bah, c'est ça. Mais alors, vous avez vu, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Bah oui, je suis même obligé de faire mon volet. Hein. Du coup, c'était pas si mal. Non, bref, on va d'abord parler de Haas. On a parlé de Berman déjà, qui a pas eu de chance, et puis qui globalement était. était en retrait hier, éliminé en Q1. C'est le premier week-end où il est un peu à ce point-là en souffrance. Et à l'inverse, Ocon, qui n'a pas encore été totalement verni par la stratégie, a quand même bien géré sa course, a été performant, a fait des dépassements et enfin ouvre son compteur de points après deux courses dans lesquelles il n'avait pas eu de chance et manquait un peu de performance face à Berman. Et puis bah, Haas qui, comme moi je tiens un peu le même constat que Racing Bull, je ne sais pas ce que tu en penses Franck, mais c'est une équipe qui joue... qui joue dans la cour de ce coin de peloton où on joue les points régulièrement, quoi. Ouais, et puis en plus, avec le moteur Ferrari qui n'est pas le meilleur du plateau, hein, qui est le plus fiable, qui est le plus facile à exploiter peut-être, et qui manque encore un peu de pêche par rapport à Mercedes, je trouve que ce que fait Haas, du coup, en tant qu'équipe indépendante, avec ses propres moyens et cette diversification des sources d'approvisionnement, a réussi à mettre sur pied un projet techniquement plutôt bien abouti. Ouais, puisque voilà, la monoplace est quand même là. Alors, ils n'ont pas marqué autant de points que lors des deux premières courses. Donc là, c'est un seul point évidemment pour Esteban. Tant mieux pour lui qui ouvre aussi son compteur. Il a aussi comme été assez régulièrement plus rapide que Berman aussi tout au long du week-end. C'est aussi assez souligné aussi, ouais. Parce que c'est quand même la tendance n'allait pas forcément en sa faveur de manière régulière. C'est, de temps en temps, effectivement, il allait un peu mieux, mais plus souvent, c'était quand même Berman qui avait tendance à prendre un peu le leadership. Donc là, ce week-end à Suzuka, sur un circuit vraiment de pilotage, Esteban était bien devant. Donc ça, c'était bien aussi à voir. Assez cool à voir aussi, de voir qu'il s'est ressaisi. Et donc, voilà. Bon, après, voilà, devant, ça a scoré. Les McLaren étaient là. Donc forcément, déjà, ça fait déjà deux places en moins en termes de points à prendre. Bah, évidemment, donc, du coup, les points à jouer derrière sont plus petits. Hein. Même si Gasly a montré que la 7ème place, on pouvait quand même marquer quelques gros points. C'était forcément plus difficile avec deux McLaren, les deux petits pois orange là, qui se baladaient sur les traces GPS, qui étaient bien présentes. Mais respecte-les. Enfin, apparemment, ils étaient champions du monde en 2025, tout le monde l'a oublié. Oh, je ne l'ai pas oublié. Le numéro 1 sur la voiture est un bel indice. Oui, au numéro 1 qui est à peine visible, hein, j'ai envie de dire. Oh bah ça va. Oh là là. Alors, il y a Lando Norris, il y a le numéro 1, mais Oscar Piastri, il a 8 fois le numéro 1. Ouais, c'est ça. Donc, 81 pour ceux qui n'ont pas la ref des numéros des pilotes. Donc, McLaren nous dit c'est inoubliable, je suis totalement d'accord. Mais... Donc voilà, donc si vous enlevez les. Voilà, parce que maintenant, en fait, il va tout faire ce truc-là. Si vous enlevez les deux McLaren, effectivement, ça aurait dû être 4 points pour Esteban Ocon. Voilà. C'est ça. Mais bon, on peut. Alors moi, c'est pas que je suis fan de McLaren, mais... voilà, mais je pense qu'on peut compter sur le fait que McLaren va participer à cette saison. Donc c'est bien les inclure. Non, ils sont réveillés, quelqu'un a prévenu Piastri. Hein. Ouais, c'est ça. La saison a commencé depuis un mois. Mais alors voilà, donc c'est vrai que. Sur Haas, au dernier Grand Prix déjà, hein, Ocon avait intrinsèquement un rythme qui était au moins égal à celui de Birman. Et encore une fois, ça fait 3 courses de suite que la safety car. D'ailleurs, ça fait 3 courses de suite qu'on a une safety car qui brouille un petit peu les stratégies, qui nous prive un peu quand même d'un grand spectacle, hein, comme à Melbourne, hein, faut se rappeler. Voilà, ça fait 3 fois de suite qu'Ocon n'est pas verni par la voiture de sécurité aussi. Donc là encore, hein, y a eu beaucoup, beaucoup d'emballements. Même après Shanghai sur Ocon, finito, tout ça. On est très loin de tout ça. Bon, il se plaignait, même au dernier Grand Prix, qu'il y avait des problèmes de réglage, etc. sur sa voiture, un peu mystérieux. Là, il ne s'est pas plaint. Il fait un bon résultat. Voilà, moi, franchement, il faut espérer que cette tendance-là se poursuive et qu'Ocon remette bien les pendules à l'heure, comme il les a remises aujourd'hui, effectivement. Hein, sans les McLaren, ça faisait P8. Et pour Bierman, il était en retrait, très clairement. il était en retrait très clairement, même s'il a eu quelques problèmes aussi en qualif, et on peut que lui souhaiter d'être pleinement remis. La bonne nouvelle, c'est que Miami, c'est dans quasiment un mois, donc voilà, la trêve vient à un point nommé pour Bierman. Effectivement, c'est vrai que ça va lui faire du bien, et moi je suis évidemment à Ocon, c'est on en pense, enfin moi j'en pense beaucoup de bien, et puis voilà après. Après, alors quand même arrêter avec McLaren, parce qu'en fait, encore une fois, le but, c'est quand même qu'il participe aux courses. Et voilà, comme le radio, this is provocation. Hein, donc, voilà. Alors, t'inquiète pas, les pénalités arrivent bientôt. Ah oui, ça par contre, il y a moyen. Là, effectivement, je me fais pas trop d'illusions. Mais après, ça arrive chez d'autres. Il privilégie la qualité des courses à leur quantité. De toute façon, là, c'est ce qu'on a dit en début de course avec Franck, parce qu'on a vu que Piastri était directement en tête. On a dit, il fait un all-in. C'est soit il mène, soit il abandonne. Enfin, il ne court pas. Donc, voilà. C'est une approche radicale. Hein. Après, c'est pas forcément très, très efficace. Il pense qu'il n'y a que les deux meilleurs résultats qui comptent. Ouais, quand ils vont apprendre qu'on n'enlève pas de résultats sur la saison, ils vont dire merde, c'est mauvaise interprétation. Mauvaise stratégie. 88 et 89, hein. C'est pas pareil. Le directeur sportif de McLaren, pas terrible. Il a mal eu le règlement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils s'accrochent pas du coup tous les deux. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, ils diront qu'il faut avoir deux voitures sur la piste pour qu'elles s'accrochent. On va passer à Audi. Dommage, même une. Allez, je peux bien participer un peu au festival. Mais t'as remarqué, chez Ferrari, on sait avoir deux voitures sur la piste sans s'accrocher. C'est oui, vrai. Ce qui n'a pas toujours été le cas, effectivement. Puis après, en même temps, avec Hamilton et Leclerc, pour le coup, je suis totalement serein pour eux, parce qu'on a quand même des pilotes hyper propres. Tous les deux ont été un peu... Je te rappelle la saison 2016, ou... quand même. Oui. De quoi, 2000 combien? 2016. Bah, 2016, c'est pas Hamilton qui fait le plus de saloperies. C'est vrai, mais bon. Rosberg, non. Après, moi, j'aurais peut-être dit 2019, parce qu'il y avait... quand ils se sont battus tous les deux, c'était un peu sale, mais... Ouais. Leclerc est un petit peu voilà, mais bon, après je pense que comme l'a dit Vasseur, ils ont compris aussi que Ferrari first et c'est très bien, ils jouent le jeu. On va passer à Audi avec ce pauvre Nico Hülkenberg qui empile les 11e places. Il était 11e sur la grille à Shanghai, 11e à l'arrivée, il est 11e à l'arrivée du Grand Prix du Japon et Bortoleto est 13e et les deux peuvent être très déçus de non pas de leur rythme qui était plutôt bon. Ni des qualifs, puisqu'ils étaient... On peut être déçu que les McLaren étaient en piste sur... Ah, déjà, oui, ça faisait des points pour Hülkenberg, effectivement. Mais... Gasly a frôlé un top 5, quoi. Mais voilà, ils peuvent surtout regretter d'avoir perdu tous les deux 6 places au départ, parce que ça a été quand même le gros problème chez Audi. Deux voitures sont restées scotchées sur la grille, et forcément, les 6 places à récupérer ont été particulièrement coûteuses à la fin. Parce qu'on peut imaginer que si Bortoleto avait tenu sa place dans le top 10 au départ et Hülkenberg avait gardé sa 13e place de la grille, ben, les deux auraient joué les points. Et effectivement, du coup, ils auraient peut-être joué le top 6 ou 7 sans les McLaren. Mais bon, ça, on ne le saura pas. Donc voilà. Mais en tout cas, plutôt bon pour Audi. Je trouve, malgré le fait que le résultat brut soit un peu décevant et qu'ils en sont toujours qu'à 2 points, la fiabilité est là, parce que c'était la première fois de la saison que les deux voitures étaient au départ. Hein, parce qu'on critique McLaren, mais il n'y a pas que. Et puis, non, les deux voitures... Comment ? On critique pas. On critique pas, on taille directement. non, et puis les deux étaient à l'arrivée. Donc, comme elles sont grises, on les voit pas sur l'asphalte, c'est tout. On a dit que. C'est pour ça qu'il est rouge fluo. On a dit que Racing Bulls avait bien maximisé avec 14 points en 3 courses et Audi avec un rythme qui est à peu près similaire, voire parfois meilleur, ouais. Ben, n'a pas maximisé pour le coup. Là, l'opérationnel n'est pas rendez-vous, effectivement, sur tous les départs ou la fiabilité. C'est pas non plus hyper inquiétant parce qu'au moins l'essentiel est là, c'est-à-dire une performance qui n'est pas du tout larguée et qui est dans le bon wagon, quoi. Mais c'est vrai que les 12 points d'écart font pic par rapport à Racing Bulls, ouais. Ou les 16 par rapport à As qui sont pas très loin en termes de performance pour le coup. Donc, y a du gâchis quand même chez Audi, il y a du gâchis, mais au moins le potentiel est là. Donc, ouais. Je pense qu'à choisir, peut-être qu'ils auraient préféré ça à long terme. Parce que bah, c'est coup, ça, hein. qui finit 6e ou qui finit 8e, bon. À quelques points près, ça ne va pas changer leur projet de long terme. Non, l'important pour eux, c'est d'enchaîner les tours, de faire des kilomètres, de progresser. Et on a vu ce week-end sur un circuit de Suzuka qui est quand même assez parlant, que le châssis est plutôt bon et que le moteur n'a pas de gros défauts non plus. Donc je pense que c'est plutôt encourageant. Je ne sais pas ce que tu penses, Franck, de ce week-end pour cette équipe. Moi, au début, c'était pendant les qualifications, je crois, je voyais des super temps des deux Audi. J'étais assez impressionné. Bon, après, ouais. Tout, on a monté un petit peu son rythme, mais bon. C'est quand même pas mal, hein. Je veux dire, nous, pour le coup, nouveau moteur aussi. Bon, l'équipe est quand même beaucoup plus connue, parce que c'est quand même la base Sauber, donc ils partent pas non plus de rien, on l'a déjà dit. Je trouve quand même que le projet démarre plutôt bien pour l'objectif 2030 que se fixe Binotto. voilà pour la Binotto, d'ailleurs, sans Whitley, hein, parce qu'on a oublié voilà, aussi. Ouais, la grosse actu pour eux, c'est que Whitley est parti. Donc, ouais. Cette impression de sérénité qu'ils pouvaient dégager a volé en éclats. Ça, hein. C'est ça. Donc là, du coup, il y a une grosse déstabilisation. Binotto a clairement dit qu'il cherchait quelqu'un pour le remplacer, parce qu'il y a hors de question qu'ils se reprennent tout l'opérationnel dans la figure, comme ce fut le cas chez Ferrari. Il y a aujourd'hui besoin d'un vrai chef de projet et derrière de quelqu'un qui dirige l'équipe de course. Donc ça, effectivement, à voir comment ça va se remettre en place. Bruno Famin est disponible, il a quitté Alpine, si jamais. Il est passé au Mans, je crois, parce que j'ai vu. Non, je crois qu'il est plus non plus maintenant, mais. Non, il est passé à la CO. Ah oui, pardon, j'avais pas vu ça. Ok. Voilà, bon, il est pas disponible du coup. Voilà, bah, voilà, et bon, après, entre la CO et yeah. Audi, voilà, bon, bref. Horner qui est là. Hein. Ouais. Je Bon, j'ai un doute. Bref, donc équipe un peu déstabilisée quand même. Tout le monde un peu surpris, a priori, d'après ce qu'on a compris, par ce départ soudain de Bickley pour des raisons personnelles. Donc, bon, je ne doute pas que ces raisons personnelles se transforment dans quelques mois. Je rejoins Aston Martin F1, histoire de bien séparer les choses quand même, hein, les gars. On va pas tout vous vendre tout de suite non plus, mais bon. On va essayer de faire croire qu'effectivement il est vraiment parti parce qu'il supportait plus la vie en Suisse, un pays vraiment où la pauvreté ambiance devait se décevoir. Le ghetto de Inville, on le connaît. C'est ça, cette pauvreté, ce manque de sécurité aussi dans les rues qui devait être absolument très difficile à suivre. Et puis surtout, c'est plat, quoi. les salaires, le fromage qui est vraiment pas bon et tout. Donc, il a vraiment préféré retrouver son porridge anglais. Soit dit en passant, il paraît quand même qu'il s'était très mal adapté à la vie en Suisse et le fait d'avoir laissé sa famille derrière lui en Angleterre, ça jouer pleinement sur cette décision. Donc, s'il peut à la fois retrouver un projet F1 de ce qu'il voulait, c'est-à-dire mener une équipe en Angleterre et qu'il retrouve sa vie de famille normale, si c'est vraiment le fond du problème, bah écoutez, ça peut se comprendre aussi. Comme quoi, la F1, c'est pas forcément qu'une question de poste et de gloire, ça peut aussi être d'abord une question de bien-être personnel aussi. Voilà, parce que c'est pas parce que aujourd'hui on vous propulse directeur de n'importe quelle équipe, style, je sais pas moi, Cadillac ou autre chose, que vous allez forcément accepter si ça vous permet, si ça vous demande trop de sacrifices. Donc voilà, et puis de toute façon, il y a aussi des tensions internes aussi, apparemment. Hein. Je pense que Bickley s'attendait à avoir plus de responsabilité, peut-être un peu moins bridé par ce que Binotto lui disait. Donc ça, c'est aussi c'est plus de la spéculation, mais une spéculation assez fondée. Voilà, donc voilà, juste ce petit premier couac, enfin premier, non, pas vraiment, parce que Audi, depuis qu'ils sont en mode création, ils ont connu je sais pas combien de patrons. Il y a eu Seidel aussi, effectivement, ça s'est mal passé. Seidel, Binotto, Binotto maintenant, Bickley, et après, on sait pas qui. On verra bien. Là, pour le coup, le poste est grand ouvert pour qui a un bon CV. Je pense notamment peut-être à Otmar Szafnauer qui pourrait être intéressé qui pourrait tellement avoir, à mon avis, le bon état d'esprit, qui pourrait très bien s'entendre avec Binotto, je pense. Mmh. Je sais clairement qu'un profil que je vois bien s'entendre dans ce genre d'équipe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une figure beaucoup plus modeste plutôt qu'un deuxième patron puisse, parce qu'on sait qu'hein, il faut, je sais plus qui avait dit, quand il y a deux papes, il y a un problème, quoi. Donc au lieu d'un pape, est-ce qu'il faudrait pas un curé de campagne comme Bravi, on l'avait, quoi. Après Whitley, il avait jamais été directeur d'équipe non plus. Après, c'est aussi une forte tête et quelqu'un qui en a posé dans le paddock, mais il est toujours un petit peu sous l'étoile noire de Horner, donc on pensait pas forcément qu'il allait. Mais après, il avait tellement de puissance en interne quand même chez Red Bull. Je pense qu'il faut un patron, genre un Vasseur. Mais après, on voit avec McLaren que ça marche quand t'as deux têtes à la tête de l'équipe aussi. C'est juste qu'il faut que ce soit bien défini qui fait quoi. Et je pense que pas grand chose. Hein. Oui, non, mais il prend beaucoup de décisions quand même. C'est différent parce que Brown, c'est McLaren plus large. Audi, ils n'ont pas de programme. Enfin, je veux dire. Oui, bien sûr. Mais ils ont un PDG qui a le rôle de Brown à côté, quoi. Ouais, qui est Gernot Daimler. Je veux dire, Whitley, il supervisait pas, ou Binotto, il supervisait pas le WEC, tout ça, quoi. Ouais. Mais voilà, après, moi, l'avantage qu'ils ont là, c'est que concrètement, s'il rejoint vraiment Aston, il a un gardening leave, donc un préavis, congé de jardinage, comme disent les Anglais, qui va être quasiment un an de ce qui se dit. Donc ils vont avoir la possibilité de faire passer ça comme si c'était un choix postérieur à son départ d'Audi. Mais c'est vrai que ça fait un peu désordre quand le dimanche, il te dit je suis totalement impliqué dans cette équipe, j'adore, c'est incroyable, tout est beau et tout ça, puis que le jeudi, c'est en fait, je suis parti. Voilà, ça surprend un peu. Donc voilà, mais bon, après oui, on a déjà eu des couacs plus importants, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 3 années entre l'annonce du départ, enfin du programme et le passage officiel à Audi, il y a eu 4 ou 5 rumeurs d'arrêt du programme. Donc voilà, Audi navigue dans des eaux troubles qui sont liées aussi à tout ce qui se passe du côté constructeur du groupe Volkswagen, mais voilà, parce que Volkswagen va très très mal, mais l'écurie Audi me semble plutôt bien armée pour surmonter ça, et globalement, encore une fois, le début de saison est quand même plutôt positif. On sait qu'ils ont une grosse force de frappe en termes de développement, donc c'est plutôt rassurant, je pense. Mais effectivement, un bilan comptable un petit peu décevant, du coup, avec ces que 2 points en en trois courses alors qu'ils jouent dans la même ligue que les équipes qui en ont marqué entre eux. Alors décevant, oui et non, parce que qui s'attendait forcément à ce qu'ils marquent tout de suite? Oui, oui. Non, je dis pas en rapport avec ce où on les voit évoluer dans le peloton. C'est ça. Non, mais après, effectivement, on imaginait qu'ils seraient beaucoup plus loin que ça, même au départ, après les essais hivernaux, au milieu des essais hivernaux, quand notamment à Barcelone, ils avaient du mal à enchaîner les tours. On s'est dit, bon, déjà, s'ils trouvent de la fiabilité, ce serait bien. Et puis finalement, on voit que c'est beaucoup mieux que ça. Évidemment, il n'y a que Red Bull qui est plus ou moins au niveau qu'on attendait, peut-être avec un moteur pas terrible, même si pour le coup, c'est pas forcément le moteur qui est forcément leur point faible immédiat. Ouais. C'est vrai qu'on attendait un petit peu mieux d'Aston Martin, notamment. Et des McLaren à Shanghai. on attendait moins bien d'Alpine. Voilà, un petit peu de surprises un peu partout. En parlant de Mercedes, mais pas autant de Mercedes non plus. En parlant d'équipe qu'on n'attendait pas à cet endroit-là et que moi j'attendais notamment sur le podium en Chine, Williams. Parce que du coup. Podium en Chine. Pas en Chine. Non, pas en Chine. À Melbourne. Oui. En Chine, je me serais fait du souci pour ta santé mentale. Oui, à Melbourne, pardon, évidemment. Plus sérieusement, Williams, alors là c'est pareil, encore une fois, un week-end très compliqué. Carlos Sainz termine 15e. Alex Albon termine 20e après 6 arrêts et une course en mode laboratoire à ciel ouvert. Les deux ont réussi à devancer Berman en qualification. Une seule des deux, pardon. Sainz. Mais globalement, en course, le rythme était clairement de nouveau la 9e force du plateau et c'était assez loin du peloton. Et y compris des équipes les moins bonnes du peloton. Ce qui n'est pas étonnant avec une voiture qui est à la fois en surpoids et à la fois pas très. Avec un châssis un peu décevant. Je relativise quand même pour Sainz, hein, quand même, qui finit à 5 secondes de Bortoleto et de Lindblad. Hein. C'était pas non plus largué. Hein. Oui, James Walsh d'ailleurs dit d'ailleurs qu'il a fait une course parfaite avec ce qu'il avait. Ça, c'est franchement, vrai. Moi je trouve que Sainz a fait une excellente course, hein, encore une fois. Hein, un excellent week-end, encore une fois, de Sainz qui maximise tout. Alors que franchement, je ne sais pas ce qu'il a disait qu'il était critique que sur la sécurité. Non, hein, il a encore fait une déclare en disant voilà, c'est une course, on appuie sur le boost et hop, il est vraiment très critique sur le nouveau règlement. Mais pour le coup, il est à fond. Hein. Et dans une voiture qui, on l'a dit, hein, c'est une des. Évidemment, il y a Aston Martin qui est dans une catégorie à part, mais sinon, c'est la déception de l'hiver, c'est Williams. Clairement. Clairement, c'est vrai que. Ouais, c'est... Et puis, je trouve que. Des gros changements sur la voiture, comme c'est attendu d'ici Miami. C'est ce que James Vols a annoncé aussi. Ouais. Donc. Il a dit qu'il avait tracé une ligne, en gros, que là, c'était le moment de faire mieux et qu'il ne pouvait pas continuer à ce rythme-là. Mais c'est nouvelle dur. Version d'Excel vient de sortir, quoi. Ils ont passé l'abonnement Office 365 en pro. En pro, ouais. Ou sont passés en Open Office. Version gratuite, histoire d'économiser sur le prix de la licence. Ça permet d'accélérer le développement. Non, on est méchant. On est méchant, mais par contre, on a vu une énorme. Enfin, on a vu la carapace se fendre un peu du côté d'Albon qui est normalement un discours plutôt policé et toujours enthousiasmé, et qui, enfin, en tout cas, encourageant, et qui là a vraiment été très, très, très caustique en qualification après son élimination en Q1. Où il a demandé où il perdait du temps par rapport à Sainz. On lui a dit tu veux pas le savoir, mais tu le sais. Et il a répondu bah oui, forcément, c'est mon style de pilotage. Must be the water. Comment? Must be the water. Must be the water. voilà, et c'est vrai que. Et derrière, c'était un peu tendu. Donc il y a quand même. Voilà, on sent que Williams, c'est très difficile en ce début de saison. Et finalement, ça va mettre un peu, tester un peu leur capacité à se relever aussi après une dynamique qui était bonne depuis 2022 et depuis l'arrivée de James Vowles en 2023. Là, on voit que c'est le premier gros contre-coup. Ils ont le même nombre de points qu'Audi, hein, c'est ça qui est fou, on parlait d'Audi tout à l'heure. Oui, là pour le coup, eux, ils ont maximisé l'absence des McLaren à Shanghai, hein, puisque si les McLaren étaient là, ils n'étaient pas dans les points. et moi aussi, j'ai le droit de faire ce jeu. Et bah, c'est vrai que. Mais j'en dis rien à dire. Tu veux faire des parodies quand même, Manu. Ah, merci écoute, pour. Petit sacrifice. Non, mais c'est vrai que. Williams. Mais c'est vrai que. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour Williams. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont mis la batterie de la Williams tout en haut du capot moteur avec le Russell. C'est pas l'idéal. C'est vrai que niveau poids, c'est pas pratique. Bah ouais, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je pense qu'il y avait mieux à faire que de faire une grosse LR6. Je pense qu'une batterie plate aurait été plus intéressant. À Volte 5, ça suffit pour alimenter le. Non, mais c'est vrai que c'est, ouais, c'est un peu décevant. C'est très décevant, même. Et en fait, il y a quand même beaucoup de retard à combler. Moi, je m'inquiète un peu pour eux. C'est que même s'il y a des développements, ben, tout le monde va développer jusqu'à Miami. Et je suis pas sûr qu'ils soient en meilleure position. Ils seront peut-être un peu plus proches du peloton, mais. Ils n'ont pas les ressources, en tout cas, pour envoyer un plan B comme ça. Déjà, quand on voit comment ils ont eu du mal à sortir le plan à temps. Ouais, c'est ça, alors qu'ils ont passé un an dessus, quoi. Alors, un plan B, en l'espace d'un mois, non. Et puis, comme on l'a dit, Vols, le problème, c'est qu'il y a un cap budgétaire et qu'on remplace les pièces qu'on doit remplacer que quand elles sont épuisées. Donc, ouais. La fonte de poids ne se fera qu'au fur et à mesure de l'épuisement kilométrique des pièces en cours. C'est ça. Donc c'est pas pour tout de suite la grosse les idées pour réduire le poids il les a, c'est sur sa table, c'est sur son email, c'est ce qu'il dit. Maintenant pour pouvoir les appliquer, il faudrait mettre à la poubelle plein de choses en avance, et en termes de cost cap ça passe pas, quoi. Donc il faut faire ronger un peu ronger son frein et prendre son mal en patience, et puis au moins travailler la perf aéro déjà, avant la perf poids des pièces. Ouais, parce que il y a du taf, partout. Hein, il y a du taf partout, clairement. Là, la voiture, le moteur, en tout cas, ils l'ont. Hein, ça, ils n'ont pas l'excuse du moteur. Bah, la comparaison, c'est avec Alpine. Hein, et là, ça pique. Oui. Ça pique. Il y a un tour d'écart. Quasi... Bah, non, et pas qui aurait parié là-dessus à la fin de 2025? Pas Manu, en tout cas. C'est pas faux. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait fait des pronos en fin d'année. J'avais mis Albon deuxième à Melbourne. Voilà. en partant de la fin, non, ça va. Écoutez, je ne pense pas que j'aurais pu avoir plus tort que ça. Donc, non, c'est vrai que c'est vraiment la grosse surprise. Personne ne pensait. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai bêtement acheté le discours. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'on a passé l'année à nous dire que tout était fait pour 2026 et que ça allait être la grande année de changement d'ampleur de Williams. Ben oui, ça a été la grande année de changement d'ampleur, mais pas dans le bon sens. Donc, c'est vrai que. La première grosse claque de James Walls, clairement. Ouais. Et il a de la chance d'avoir fait une belle remontée avant ça. Je pense que ce n'est pas la dernière, hein, parce que. Ouais, il a de la chance en fait d'avoir un bon bilan avant ça, assez rapide, et que du coup on lui autorise ce fiasco, parce que dans beaucoup d'autres équipes, heureusement qu'il a fait 5 effets. Voilà, exactement. Moi, j'aurais pas été choqué qu'il soit viré par Hamilton. Hein, ça m'aurait, non plus. J'aurais été un peu déçu, mais bon, c'est pas illogique, hein. Bah non, c'est quand même un énorme fiasco. Hein. Là-dessus, c'est pas le pire fiasco qu'on a vu cette année, mais on va y revenir. Ah oui, tu parles du départ des McLaren à Shanghai. Alors, on n'y revient pas. Si on envoyait Wolff chez Aston et Newey chez Williams. Ouais, ce serait. Je pense que ça changerait pas grand-chose pour les deux, en fait. Non, c'est ça. Je suis pas sûr que ça marcherait bien. Et je pense que Sainz aimerait beaucoup que Verstappen prenne sa retraite. Hein. Mm. Oui, parce que je pense que Sainz, il n'aura pas la patience de dire allez, ça va se refaire. S'il y a une belle opportunité en 2027, à mon avis, le chapitre Williams se refermera assez rapidement. Ah, logique. Logique, et puis de toute façon, malheureusement pour Albon, Sainz est quand même tout le temps devant. Le problème pour Sainz, c'est que chez Red Bull, tout a changé. Il n'y a plus Marco, il n'y a plus Horner. Donc des gens que Sainz a très bien connus ne sont plus là pour décider. Ouais, mais Sainz, il ne faut pas à Mekies forcément rappeler Sainz qui fut passé par la case Red Bull. Quoi. Après, ça suffit. Hein, je pense que quand même, Sainz aujourd'hui, c'est un des pilotes les mieux cotés du plateau, parce que c'est un pilote qui est très rapide, qui fait peu d'erreurs, et surtout depuis. Là, on l'a vu depuis milieu d'année dernière. Moi, j'aurais perdu un Gasly, moi, si j'étais Mekies. Ah, ben oui, Gasly, il y a des potentiels. Gasly potentiel. Duo français chez Red Bull. Ouais. On finira au milieu de peloton. Avec la même trio avec Mekies. Hein. Bah oui, et Vachy aussi. On l'appellera Rousteau. Rousteau. Red Bull, l'équipe la plus française par rapport à Alpine. c'est la Ferrari française. C'est l'Alpine française. Non, mais c'est vrai que. Avec Toro Hélé comme sponsor. Mais c'est vrai que effectivement, Sainz a une grosse cote. Et je pense qu'il n'y a pas que Red Bull qui pourrait être intéressé par ses services. Parce que il est. Même moi, je pense notamment à Audi. S'il décide que Hülkenberg, on arrive au bout et qu'il a eu il a fait son temps. Sainz, encore une fois, c'est un pilote qui est très politique, qui est très rapide, qui est un vrai team player, parce que malgré tout, il est critique, mais il sait aussi dire que ça a bien allé et que ça a bien se passé. Et globalement, il est rapide. En fait, c'est un pilote. Là, il a déjà pris la mesure d'Albon, qui était pourtant dans l'équipe depuis longtemps. Et d'ailleurs, Albon, malheureusement pour lui, ça se referme un peu parce que lui, il n'a pas sa cote qui évolue positivement face à Sainz. Avant d'envoyer Sainz ailleurs, on va déjà voir comment Williams va se redresser pendant la saison. S'il y a des bons signes positifs. Ouais. Les écarts sont tellement grands que j'ai un peu de mal quand même à les imaginer faire mieux que. Enfin, ouais, ils viseront peut-être les points à la régulière, mais ce sera du. Si ça corrige au fur et à mesure et que ça se redresse, ça remettra pas de place pour 2027. Hein. C'est la loi des rendements décroissants. Hein. Ils ont quand même. C'est plus facile d'aller trouver les dixièmes. Oui, c'est les secondes qu'ils vont chercher. Hein. C'est sûr, mais c'est ce que disait d'ailleurs. Ça nous permet de faire une transition vers Cadillac, puisque eux disaient effectivement qu'ils comptent progresser rapidement au début de saison, puisqu'ils ont beaucoup de temps à trouver, et que c'est facile de trouver le temps au départ, et qu'effectivement les derniers dixièmes seront plus compliqués à trouver. C'est pas mal. Et Cadillac, c'est pas mal globalement. Ils étaient un peu plus loin en performance pure du peloton qu'en Chine. Et en même temps, sur un circuit qui est quand même vraiment très, très. Un juge de paix hein, pour le châssis aéro. Mais les deux. Une seconde de Biermann, hein, voilà. Ouais. Pour mémoire, à une seconde de la voiture la plus proche. Une seconde. Voilà. Donc c'est quand même assez important. Néanmoins. Voilà, néanmoins, ils sont devant Aston tout le week-end. Et même si Bottas termine derrière, puisqu'il a été un peu malchanceux sur la course, il était plus rapide qu'Alonso en course. Ils terminent tous les deux, ils sont à l'arrivée, ce qui est encore une fois une belle performance pour une équipe qui a eu pas mal de soucis de fiabilité, qui continue à en avoir quand même. Et globalement, moi je trouve que c'est toujours c'est sérieux et c'est sobre chez Cadillac. On bosse comme on devrait, je pense. Oui. Franck, je sais pas ce que tu as à dire. Eux, de toute façon, ils sont clairement condamnés pour l'instant au fond de peloton, hein, quasiment. Donc ils peuvent pas jouer grand chose d'autre que de voilà que. J'ai pas envie de dire que les Grands Prix, c'est des séances d'essai grandeur nature, mais quasiment, parce que c'est vrai qu'ils se battent pas vraiment pour des positions ou au moins des relances ou des départs, peut-être. Après, forcément, ils prennent un peu d'écart. La preuve, c'est qu'ils s'étaient retrouvés à un tour au moment déjà de la safety car, hein, qui est arrivé, je crois, au 22e tour, 23e tour, je sais plus exactement. Il était déjà à un tour à ce moment-là. Donc effectivement, l'écart est quand même très grand. Donc eux, effectivement, l'objectif, c'est accumuler des données, faire des grosses évolutions. Il y en a d'ailleurs qui arriveront à Miami. Et de toute façon, eux, leur but, c'est de faire évoluer la voiture quasiment à tous les Grands Prix. Et au fur et à mesure, ça va se rapprocher. Donc, c'est vrai que du coup, Bottas, Perez, comme de... Je pourrais dire grand nom dans le sens grand comme Verstappen, Hamilton, mais quand même des grands noms de la Formule 1 parce qu'ils ont marqué la Formule 1 quoi qu'il arrive. Hein. Autant l'un chez Red Bull, c'est des multiples vainqueurs de course. Hein. Voilà, exactement. Ils sont un petit peu effectivement inexistants. On les voit très peu. Ils sont dans le fond du peloton et ça me fait un peu mal au cœur pour eux de ce côté-là parce que c'est quand même des pilotes de renom et qu'on voit du coup assez peu. C'est un peu, je pense, le vrai côté négatif, le côté négatif de l'opposition. Ils le savaient. Non, ils savaient pourquoi, voilà, ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Et voilà, et c'est même moins pire, moins catastrophique que ce que je pensais, clairement. Ouais. Donc j'ai envie de voir sur des circuits effectivement moins indépendants de l'aéro notamment et du châssis. Notamment des circuits urbains déjà, à voir comment ça peut jouer. Mmh. Je pense qu'ils devraient être un peu plus proches et jouer quelques petites choses. Je sais pas si ça marquerait un point à la régulière cette année. Je suis pas convaincu. Non, sur un Grand Prix un peu animé, pourquoi pas, ça peut faire quelque chose. Déjà sur les McLaren, ça fait deux places de gagner. Mais voilà, typiquement à Monaco, par exemple, j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner à Monaco. Et on le redit souvent, mais Cadillac, c'est un projet qui part de zéro, alors que Haas, en 2016, qui fait une cinquième place à sa première course, partait de pas du tout zéro, puisqu'il reprenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de Ferrari. La Cadillac, alors, ils partent vraiment de from scratch, quoi, avec une idée qui n'est pas bête, hein, c'est d'être à terme un top team. Hein, et effectivement, Haas ne pourra jamais vraiment être un top team en reprenant autant d'éléments, tandis que c'est le but de Cadillac. Du coup, ça prend le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé, on le voit. Hein, ils sont beaucoup plus loin que Haas. Ouais, c'est un projet à long terme. Et malgré tout, ils ont déjà. Alors déjà, il faut pas oublier qu'ils développent une voiture pour la première fois en piste. Donc tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à février, c'était uniquement de la simulation informatique et soufflerie. Donc le verdict de la piste est toujours très complexe et beaucoup plus difficile à maîtriser puisqu'il y a des vitesses atteintes et des situations qui se présentent qui ne sont pas possibles à reproduire en informatique ou en soufflerie. Donc ça, déjà, c'est le premier point qui fait que c'est lent pour eux. Et bravo à eux parce que troisième course, ils ont déjà amené un nouveau diffuseur. une nouvelle pièce et ils vont amener un package évolution conséquent à Miami. Ils ont dit que régulièrement, maintenant, ils auraient des nouveautés. Donc, là aussi, la machine de développement est lancée. Et la courbe d'apprentissage, elle va être raide. Hein. Ouais. Et la machine est lancée pour le développement. Et franchement, voir une équipe qui part de si loin avec autant de travail à faire et qui arrive à lancer des développements si tôt, c'est bien. Hein. Vous imaginez pas le nombre de réunions qu'il faut. Alors, on monte une équipe de Formule 1, mais le nombre de process qu'il faut mettre en place, c'est fou. C'est à perdre la tête, quoi. C'est à perdre la tête. Et tout ça en ayant eu leur confirmation en mars 2025, comme quoi ils allaient bien être même là. Si, hein. Ils ont commencé avant, mais... Voilà. Tu peux pas lancer les moyens que nécessite une équipe de Formule 1 à fond tant que t'as pas la confirmation. Donc il y a c'est quand même. C'est que Graham Lawden avec son expérience chez Marussia et compagnie. Ouais. Finalement, ouais, lui, c'est ouais. le principal qui paye pas de mine et qui lui est passé par déjà toute cette phase de monter une équipe de quasiment de zéro. Donc. Puis lui, je pense que monter ça avec un budget similaire aux autres équipes, ça va être confort pour lui parce que Marussia ils avaient 50 millions alors que les autres avaient entre 200 et 400 millions. Donc. Donc c'est sûr que ça marche bien et d'ailleurs personne ne remet en question sa présence ni son travail là-dessus. Discret mais efficace. Ouais. Bah, en même temps, il va pas non plus faire le show-off. Hein. Oui, non. Tu sais, c'est pas le genre. On aurait vu des personnes à ce poste-là qui auraient pu être un peu plus drivées par Rego. Le père de Pérez, je veux bien. Non, mais Briatore sur la tête d'un projet pareil, je pense qu'on aurait eu des déclarations un peu plus. Regardez ce que j'ai réussi à faire en partant de rien. Voilà. Mais non, c'est pas possible, Manny Briatore, il a été banni à vie. Comme McLaren des courses bientôt. Juste en Chine. Juste en Chine. Ah, c'était ça, ils avaient peut-être pas le droit de courir. Hein. Ah non. je cherchais des excuses, excusez-moi. Et du coup, on va passer à la dernière équipe de ce débriefing, Aston Martin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai pu changer mon bandeau en dessous, puisque ce n'est plus abandon, mais effectivement, une 18e place pour Alonso, qui finit la course, et mine de rien, c'était pas gagné d'avance, puisque la voiture a quand même toujours ses problèmes de vibration. Et c'est déjà un bon point maintenant. Maintenant, c'est clairement la dernière équipe en performance. Il y a des moments dans le week-end où ils étaient à une seconde de Cadillac. Et surtout, on a eu des déclarations de Honda qui montrent qu'on est prêt à manger des couleuvres chez Honda, mais pas totalement non plus. Qu'est-ce qu'il a dit Alonso sur les vibrations en course ? Il y a eu quelque chose ou pas rien de particulier ? Non, il a dit que c'était moins pire et que ça dépendait du circuit et que là, c'était moins pire. Alors, c'était quasiment pas vendredi. Bon, il a roulé que lors du Libre 2. C'est revenu samedi. Et donc aujourd'hui, c'était nouveau. J'ai vu une personne sur Blue Sky qui a dit qu'il fallait pas lui laisser porter son enfant. Par contre, j'ai trouvé ça assez drôle. Non, bref, parce que Alonso est devenu papa dans la semaine et il est arrivé un peu en catastrophe à Suzuka juste avant de prendre le volant. Mais effectivement. Sans dormir en plus. Ouais. Sans dormir. Mais bon, moi ça a dû réveiller avec les vibrations, mais voilà, après c'est... Non, il n'y avait pas en plus. Ah oui, non, ça, il n'y en avait pas, c'était Samy qui en a eu, pardon. Non, il a dit que c'était moins pire, il a dit qu'elles sont quand même là, mais que c'était supportable et que sinon il n'aurait pas pu finir la course. Donc quoi, c'est une partie châssis aussi, pas forcément que moteur. Et ça rejoint le discours de Honda, Franck, je te laisse le rapporter, que le discours qu'a eu Honda en début de week-end, qui s'est dédouané un petit peu en disant maintenant on veut bien prendre la responsabilité, mais encore une fois, il n'y a pas que nous, et c'est nous ce qu'on dit depuis le début de saison. Oui, c'est ça. C'est qu'ils disent effectivement qu'eux, au banc, évidemment, ils n'arrivent pas à reproduire toutes ces vibrations. Il y en a un petit peu, évidemment, mais pas toutes. Et que, voilà, la faute est aussi du côté de... Clairement, à mettre aussi du côté d'Aston Martin. Hein, et qui a... toutes les critiques qui ont été données, notamment par rapport au fait que Honda n'avait pas bien géré son projet F1, n'étaient pas toutes toutes à mettre du côté du motoriste japonais. Le seul truc sur lequel ils maintiennent leur ligne quand même. Et là, par contre, je suis désolé, c'est la Formule 1, c'est comme un sport où on sait pertinemment qu'il est très très compliqué d'être hyper performant et de se maintenir sur la durée. C'est de maintenir leur discours de dire la culture chez Honda, ça a toujours été de faire tourner nos ingénieurs de volant sur plusieurs postes différents. C'est fou. Donc la F1 ou d'autres projets style le photovoltaïque, le jet ski, enfin d'autres moteurs, le eVTOL, l'hydrogène, genre de choses. Donc, alors je veux bien pour former des ingénieurs à différentes technologies, c'est très intéressant. Mais quand vous êtes engagé en F1, vous cherchez évidemment, surtout si vous remobilisez votre projet F1 au bout d'un an, c'est de remobiliser au plus vite tous les ingénieurs qui ont bossé sur les F1 avant. Quoi. Et ça n'a pas été fait. Et pourtant, et là-dessus, ça a été critiqué. Pour moi, c'est une critique qui était totalement juste. Là-dessus, ils continuent à se défendre en se disant « Mais non, c'est la culture de Honda, c'est comme ça. » Eh bien oui, du coup, il ne faut pas s'étonner aussi d'arriver avec un projet comme ça aussi. Donc je veux bien qu'Honda réplique un peu à Aston Martin en disant qu'ils ne sont pas les seuls fautifs, et c'est totalement vrai. Mais il faut quand même aussi accepter que je suis désolé, la F1, c'est pas, C'est pas juste une question de mettre 452 ingénieurs parce qu'il en faut 452. C'est des gens qui ont bossé sur la F1. Voilà. C'est comme si Manu demain chroniquait le tiercé et Franck l'opéra, quoi. Bah c'est exactement. C'est le problème des gens qui veulent tout faire. On saura écrire dessus par la force des choses, mais on le fera mal. Ouais. Voilà. Et on fera toujours moins bien qu'un spécialiste. Les chevaux de McLaren sont pas au départ. Attendez, pourquoi le cheval orange il est arrêté en bord de piste? Il y a du foin en bord de piste. Après, c'est très artificiel ces courses de chevaux. Bah, apparemment, quand ils arrivent en boule de droite, ils commencent à ralentir à cause de la fatigue. Mais bon cette année, ils n'ont pas cramé le foin en bord de piste, déjà, c'est déjà ça. Mais pour revenir juste, effectivement, je trouve ça incompréhensible comme justification. Et pour le coup, qu'être attaqué là-dessus, je trouve que c'est justifié. Moi, je vais te dire un truc, c'est qu'en plus c'est faux parce que en 2021, quand ils ont commencé à gagner avec Red Bull, ils étaient très présents dans les médias. Moi, et c'était l'époque où on était un peu plus. Il y avait beaucoup, c'était le post-Covid, donc on faisait beaucoup d'interviews parce que c'était quasiment tout à distance, en visio. On était pas mal placés là-dessus. Moi, j'en ai fait beaucoup, notamment avec les PDG de Honda de l'époque et directeurs d'exploitation. Et aussi, j'avais pas mal de contacts avec Honda France. Et en fait, à l'époque, ils expliquaient que pour eux, l'important, c'était la synergie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils faisaient au sommet de leur ingénierie, qui était la Formule 1, ruisselait sur le reste et donnait des informations pour développer le reste. Mais à aucun moment, à cette époque-là, ils disaient que leurs ingénieurs tournaient et que celui qui faisait de la F1 le lundi allait faire une tondeuse le mardi et un jet ski le mercredi. Donc, au bout d'un moment, cette justification-là, elle est fausse. C'est-à-dire que ça ne marche pas comme ça et ça n'a jamais marché comme ça. Un projet de F1 est prenant, surtout un moteur aussi complexe, et les ingénieurs qui y sont, ils y sont à 100%. Tu ne peux pas, encore une fois, c'est au-delà du fait de dire qu'ils ne sont pas spécialistes d'autres choses et un ingénieur jet ski ne sera pas spécialiste en Formule 1, c'est que un projet comme ça, il se tient de A à Z. Donc, au mieux, c'est vrai et c'est catastrophique. Et au pire, c'est faux. Peut-être l'inverse, parce que finalement, ce serait peut-être mieux qu'ils aient menti. Parce que si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, bah, c'est pas étonnant que le moteur fonctionne pas. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde à cette justification-là. Et je pense qu'ils ont essayé de partir dans une justification qu'ils se sont paumés en plein milieu de la conférence et qu'ils ont dit n'importe quoi. Et je suis vraiment... Enfin, c'est vraiment ma théorie. Mais au demeurant, moi, je suis totalement d'accord avec eux sur le fait que Aston Martin n'a pas fait du tout son châssis en fonction du moteur qu'ils allaient mettre dedans, ce qu'on appelle communément une McLaren 2017, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand tu as un moteur qui est fait à l'autre bout du monde et que tu ne daignes pas rendre visite à ton partenaire et lui l'appeler pour savoir ce qu'il va faire de son moteur en lui disant de toute façon, moi je fais un châssis puis le moteur ira bien dedans parce qu'on connaît les points de fixation, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche pas en l'occurrence du tout. Voilà. Et puis bah après au moins il a vu l'arrivée. Oui, c'est déjà ça. Voilà. Au moins il a vu l'arrivée. Jack Crawford a roulé vendredi, il était très content. Il est resté quand même assez discret sur les vibrations. Oui. Il a dit qu'elles étaient bien là et que c'était fallait faire avec. Arcalonzo n'en a pas eu. C'est marrant. Bah, peut-être que les réglages faits après le passage de Crawford. C'est une question de la morphologie du pilote, comme il est dans le baquet, ça fait vibrer ou pas vibrer, on ne sait pas. C'est possible. Non, peut-être que le feedback de Crawford a permis d'améliorer un petit peu la voiture. Aussi. Ouais, compliqué. Mais voilà, après, effectivement, bon, l'avantage côté positif, c'est qu'il faisait beau. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Les fans étaient là. Ouais. T'as les fans de Honda, ils sont là quand même, hein, franchement. Ils étaient contents parce qu'ils ont pu les voir au moins 3 secondes de plus par tour à chaque fois. Donc, c'est quand même bien. Ils étaient contents, c'est mieux pour prendre des photos parce que ça allait plus. Alors, ça. On a eu deux miracles, McLaren a vu le départ et Aston l'arrivée. Alors Piastri a vu le départ. Franchement, c'était pas donné, hein, de dire qu'une Aston allait finir. Grosse cote. Hein. Ouais, Grosse c'est clair. Non mais pour Aston, oui. Moi, pour moi, ça allait encore faire double abandon. Mais c'est ça le paradoxe, c'est que si la fiabilité était en progrès, la performance était en recul, quoi. C'est ça complètement. Il y a eu un moment du week-end où ils étaient à une seconde des Cadillac. Et d'ailleurs, est-ce que toujours pareil, est-ce que quelqu'un a vu Newey? Non, il était pas là non plus. Ouais, c'était prévu. Bon, voilà. Après, c'était prévu, mais je vois pas ce qu'il aurait fait de plus sur place. Hein. Non, le leader. Bah, oui, désolé, il y a mais... ça, mais il a tellement peut-être de choses techniques à gérer oui. À Silverstone. Non, bah, pour et moi, pour c'est ceux pas qui pensaient qu'Alonso allait dire GP do engine, etc. Bah, c'est il a été. Bah, en même temps, il était papa, donc c'était non, pas bah, logique à faire ça, mais. Ouais. C'est vrai que s'il était arrivé le vendredi matin pour éclater son équipe et repartir directement derrière, ça aurait été un peu violent. Mais bon, c'est après Alonso, pourquoi pas. Après, encore une fois, en 2015, c'était en fin de saison, il était vraiment au bout du rouleau. J'attends de voir ses déclarations d'ici août-septembre. Je pense qu'on aura un peu changé de ton si ça va pas mieux. Mais non, bah New Way, je trouve ça toujours inadmissible. Oui, il y a du travail, mais t'as accepté les deux casquettes, et bah tu fais les deux casquettes, et ça veut dire. Et en fait, s'il est en mesure d'avoir ces deux casquettes-là, ça veut dire que normalement, dès le départ, il a été en mesure de dire l'usine peut tourner sans moi parce que j'ai pas besoin d'aller à la planche à dessin tout le temps, et les gens voilà. que j'ai mis à la tête et de chaque département, aéro, châssis, exploitation, ouais. etc., sont des gens capables de travailler en autonomie avec leur équipe. C'est pas pour défendre New Way, mais je pense qu'avec le départ de Coel, on lui a dit bon voilà, tu prends un peu l'intérim, etc. Je pense que c'est on sait pas tout. Il y a peut-être aussi des circonstances atténuantes. Hein, ils nous l'ont quand même vendu comme ça y est. New Way prend la tête de l'équipe et prend les contrôles. Et je suis désolé. C'est Mike Rack qui est là, je suis désolé, Manu. Pour moi, le fait que New Way soit plutôt à l'usine en train de bosser sur la voiture, parce que comme je pense qu'Honda dit la vérité en disant que c'est pas que leur faute à eux, que je pense qu'aussi la Stone n'est pas forcément très bien réussie, qu'il faut qu'ils bossent là-dessus. Et il y a un Mike Rack qui a dirigé cette équipe pendant un bon bout de temps, qui la connaît par cœur aussi, et qui est tout à fait apte à la diriger en place sur piste. Mmh. Il est là. Et à mon avis, il fait très très bien l'intérim en l'absence de bah, je sais pas, d'un nouveau directeur, s'il y aura quelqu'un. Pour moi, il ferait bien tout simplement de renommer Mike Rack à la place où il était. Ça va très bien, avec New Way qui derrière fait l'impulsion globale plus l'impulsion technique. Voilà, maintenant après. Je suis totalement d'accord avec toi. Newey, il n'est pas à l'abri de s'être fait une grosse plantade aussi. Hein. C'est pas sa première. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Mais dans ces cas-là, là actuellement, il est team principal. Son métier, son poste, au-delà du fait de superviser la création de la voiture, puisqu'il est aussi directeur technique, consultant en chef, machin, il est le patron de l'équipe. Et en fait, le patron de l'équipe. C'est l'équipe qui aujourd'hui est un fiasco total et un accident industriel, et le patron en question a fait deux conférences en un mois. Et on n'a pas vu le résultat. Les résultats, c'est les autres qui prennent les balles. On envoie les pilotes qui, eux, répondent 5 ou 6 fois aux journalistes par week-end et qui doivent en avoir bien marre parce qu'on leur pose toujours les mêmes questions, ils n'ont rien à dire et en plus, c'est pas de leur faute. On envoie Pedro de la Rosa qui, lui, il est là uniquement pour prendre des balles parce que tout le monde s'en fout et il est juste là pour récupérer des balles et puis essayer de calmer un peu la presse espagnole pour que Alonso. Pour que ça passe bien du côté d'Alonso. On envoie Mike Crack qui, lui, depuis 3 ans n'est pas team principal parce qu'il a été rétrogradé, mais prend quand même toutes les balles parce qu'à chaque fois, les team principal n'assument pas et c'est lui qui est envoyé au front. Je suis désolé, il n'y a pas de leadership dans cette équipe. Alors oui, moi pour moi, Mike Crack n'aurait jamais dû quitter ce poste parce qu'il est très bon à sa place et en 2023, il a prouvé qu'il était bon à sa place. Ils ont décidé de le faire reculer. Aujourd'hui, le renommer à ce poste-là, ce serait un retour en arrière qu'apparemment Aston Martin n'est pas capable de faire, notamment, je pense, sous l'impulsion de Lawrence Stroll. N'empêche que le team principal et le PDG, c'est-à-dire Lawrence Stroll et Adrian Newey, sont aux abonnés absents, ne prennent aucun risque, n'assument pas leurs responsabilités, alors que ce sont les deux principaux responsables. Le troisième étant Coel, qui lui assume, puisqu'il a été parqué au Japon, et il reste tant que ça ne marche pas. Donc, moi, pour moi, je suis désolé, oui, je suis d'accord. C'est pas pourtant qu'on a vu Coel sur place. Hein. Non, mais lui, parce que je pense qu'il est, il est enfermé à l'usine. Il était privé de circuit. Il est enfermé à Sakura. Lui. Ouais, c'est sûr. Il est responsable des yaourts à la cantine, quoi. C'est tout. Non, mais voilà, moi, je suis. Franchement, New Way, pour moi, c'est la pire phase de sa carrière. New Way, pas un homme de médias, ça, on le savait déjà, clairement. Ouais, mais dans ce cas-là. C'est pas une nouveauté. Maintenant, New Way présent sur place pour voir une voiture peut-être arriver au bout du Grand Prix. Je pense pas effectivement que c'est une grosse valeur ajoutée qui soit là. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a de la communication derrière. Il y a un leadership. Aujourd'hui, à Aston Martin, imagine pour les gens, encore une fois, on parle quand même d'une structure de 800 personnes, 1000 personnes, 1200 personnes si tu comptes tout, qui a vu l'arrivée d'un Adrian Newey qui a pris beaucoup de place. Il est actionnaire, responsable technique, team principal. Et aujourd'hui, c'est la personne. C'est quasiment, en plus, c'est le Messi, c'est l'arrivée providentielle. On a toujours dit, voilà. Mais non, mais il a été annoncé comme ça. Donc, quand ils l'ont recruté, il est arrivé 2 mois plus tard. On nous a dit, ils ont quand même fait. Les médias ont fait des tonnes aussi pour les riches. Je suis désolé, Aston Martin qui prend une photo de son bureau la veille de son arrivée en nous disant, regardez, la planche à dessin est dans son bureau. C'est normal. Enfin, bah, c'est oui, New Way. C'est New Way. New Way, tu bouges pas un mec comme ça. Il est resté pendant combien de temps chez Renault? Oui. Superman chez Racing Bulls, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec vous. C'était normal, mais du coup, quand tu amènes une personne aussi providentielle et que tu l'annonces comme étant la personne qui va tout changer, et ben à la fin, si c'est la personne qui ne change pas tout, elle est quand même là pour être le leader. Bah écoute, bientôt, c'est pas qu'on verra s'il y a une résurrection. Hein. Ah bah, ça, c'est possible. Mais pour les 1000 personnes qui bossent à l'usine et qui comptaient sur le fait que ça allait aller mieux, parce que c'est des gens qui bossent depuis 3 ans pour régresser. ça ne marche pas. Et alors qu'on leur a fait, on leur a fait une nouvelle usine, on leur a fait des changements, on a fait, voilà, on leur a dit ça va aller mieux, tout ça, ça ne marche pas. Et ces gens-là attendent de leur leader qu'il mène l'équipe. Et aujourd'hui, leur leader, il est aux abonnés absents. Alors peut-être qu'à l'usine, il est un peu plus là. N'empêche que. Aux abonnés absents de manière médiatique et publique. Oui, mais c'est déjà trop. Il est team principal. Le team principal, c'est. Je suis pas d'accord avec toi. Ah bah pour moi, c'est son attribution. Il a mieux à faire à l'usine que là actuellement. Et bah, on en revient au débat principal qui est deux casquettes. Voilà, ou alors s'il venait, il foutait sur la gueule avec les Japonais, peut-être, je ne sais pas. Non, mais dans ces cas-là, il ne fallait pas accepter la double casquette et triple avec le fait qu'il est investisseur. Dans ce cas-là, il nomme team principal par intérim. Moi, ouais. Et encore une fois, pour moi, on lui a donné des pouvoirs qu'il n'assume pas. Et en fait, oui, je suis d'accord qu'il a autre chose à faire. Et bien sûr que normalement, il aurait été dans un monde idéal. Jamais il le met à ce poste-là. De toute façon, Niue, on sait que quand il fait une interview, il est déjà hyper gêné, hyper timide. Tu ne le mets pas team principal, tu ne le mets pas leader de l'équipe. Tu le laisses là où il est dans son élément naturel, c'est-à-dire la technique. Il est le meilleur à ce niveau-là, même si des fois il fait des erreurs, ce qui est peut-être sané. Mais voilà. Mais maintenant, Aston Martin a décidé de faire ce choix-là pour lui donner de la puissance, lui donner de l'importance, peut-être lui donner de nouvelles choses à faire parce que lui, il les a demandées, on ne sait pas. N'empêche que, et comme le dit Lambeau Diablo, il gagne bien de l'argent pour toutes ses casquettes. Alors lui, il gagne un peu de manière différente, mais il est investisseur, donc il a aussi de l'argent qui va rentrer pour lui et tout ça. Et il a, en fait, ses responsabilités qui sont données par l'équipe, qui ont été annoncées en grande pompe à chaque fois. Et ben, je suis désolé, moi, derrière, ce n'est pas un leader, c'est un leader défaillant. Et oui, il est à l'usine, c'est bien, mais publiquement, médiatiquement et dans l'image de l'équipe, c'est un leader défaillant. Et je trouve que c'est très très mauvais, c'est un très mauvais signal. Et pas autant que Laurent Stroll qui est aux abonnés absents depuis le début de la saison, parce qu'il a sûrement rien à dire pour justifier un tel accident industriel. Et après, voilà, mais je suis totalement d'accord qu'il a autre chose à faire à New Way, mais n'empêche que du coup, bah, ça veut dire que toute la on va dire toute la technique, toute la tactique de ces derniers mois a été mauvaise. Je vais pas remettre une pièce dans la machine que le Manu parle plus fort. Alors voilà. Non, mais vas-y, non, mais tu peux. Après, moi, j'ai juste que. On peut rester 2 heures comme ça, hein, je veux dire, on peut finir à minuit. Hein, on sera... Non, mais après, moi, je suis. On sera pas d'accord. Hein, mais... Comme j'ai dit, je suis d'accord avec toi sur le fait que New Way a mieux à faire, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait au rôle de team principal? Pourquoi il est là? Moi, je veux bien qu'on. C'est ça le truc. Parce que je pense que ça. Ça a été. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai envie de te dire que il a été pris par défaut par le quand Cowell a été pris la main dans le sac, n'avoir pas dû suggérer alors que pourtant lui homme des moteurs, aurait dû vraiment voir venir l'accident industriel avec Honda. Pour moi, Aston Martin aurait dû dire voilà, on va recruter quelqu'un, il sera là New Way. C'est un team principal par intérim, mais il y aura quelqu'un. Et en attendant, attendez pas à ce qu'il fasse le rôle d'un team principal. Il a le titre, mais exactement, et quelqu'un va venir. En fait, venir, il a le même titre qu'un team principal, comme Wolf ou un Briator, c'est qu'il ne s'intéresse pas du tout à la technique derrière. Moi, je pense qu'il a. Moi, je pense qu'ils ont. Ils se sont vus beaucoup trop beaux. Sauf que lui, il a l'inverse, quoi. C'est un team principal qui fait la technique. Oui, c'est ça. Mais du coup, moi, je pense qu'ils se sont vus beaucoup trop beaux. Le rôle aujourd'hui, hein, on avait sorti des articles sur le rôle d'un type principal, c'est plus du tout un ingénieur. Hein. En fait, il n'y a que Komatsu. C'est un manager et c'est un communicant. Non, mais même Komatsu. Komatsu, il ne fait pas d'ingénierie. Comme Stella. Stella, c'est un ingénieur, mais lui, il n'est plus d'adapté. Il a la vision d'un ingénieur. Oui, bien sûr. Mais au quotidien, je ne suis pas sûr qu'il se mette sur sa planche à dessin. Quoi. Ouais. Pour moi. Donnez-lui 3 crayons à un papier. Un team principal, c'est un manager et c'est un communicant aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs un reproche. Non. Je ne veux même pas le reproche à New Way lui-même. Après, New Way, pour moi, il a raté son intersaison. Et je pense que c'est un des plus gros. Heureusement que tu ne fais pas de reproche. Je ne fais pas de reproche sur le fait d'avoir été nommé team principal. Mais voilà, après, c'est juste que je lui fais des reproches sur le fait qu'il a voulu accepter plein de casquettes, dont une dont on savait très bien quand même qu'il n'était pas l'homme idéal pour ça, parce que New Way, encore une fois, il suffit de... Enfin, nous, on le couvre depuis longtemps, on l'a vu un paquet de fois en public, Franck, tu le sais bien, on a toujours dit, c'est quand même un mec, on sent qu'il a un petit peu ce côté vachement... Il n'a pas un côté leader de... tu vois. Et même, je ne dis pas qu'il faut des grandes gueules, parce qu'on voit très bien, notamment un Frédéric Vasseur, un André Astella, c'est des gens qui sont très posés, très calmes et tout, mais c'est des gens qui sont des vrais leaders. Et qui sont des vrais leaders, c'est-à-dire que Vasseur, l'an dernier, il a pris des risques, il a pris des balles. Chaque week-end, il était au charbon, en train de dire, voilà, ça va pas. Et franchement, bravo à lui, parce qu'il aurait très bien pu décider de dire, j'envoie le D'Ambrosio, j'envoie D'Ambrosio, voilà. Ou comme Wolf, pendant 4 ans, aurait pu envoyer Bradley Lord. C'est ce que fait Mekes cette année-là, encore aujourd'hui. Exactement. Et tu vois, et pour moi, En fait, pour moi, alors ces gens-là n'ont qu'une casquette, mais du coup, au niveau de l'équipe, eh ben, ça motive plus parce que le leader est là en disant, voilà, je suis en première ligne, et oui, il y a des problèmes, et j'assume ces problèmes, et je vais être la personne qui va essayer de les résoudre. Et je trouve que l'image que renvoie Aston Martin, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que concrètement, on envoie des numéros 2, et tout le monde veut savoir, en fait, de New Way, pourquoi on en est là. Voilà, c'est là où je te rejoindrai, où je dirais effectivement qu'il y a un gros manque de leadership si on n'a absolument aucune communication de la part de New Way dans ce mois de pause qui va arriver, où je souhaiterais très ardemment des explications, des pourquoi du comment, qu'est-ce qui pêche exactement, quels ont été les points de défaillance, qu'est-ce qui lui ressort d'Aston Martin, qu'est-ce qui lui ressort de Honda, un vrai point sur le projet, pourquoi ça démarre si mal. Où ont été les erreurs? Après, sans évidemment dévoiler toutes les recettes et les secrets technologiques, normal, ils ne vont pas dévoiler toute leur bille. Mais effectivement, il y a un constat clair posé devant les médias par Adrian Newey, censé être le team principal de cette équipe. Là, effectivement, ça, je m'y attends. Si on n'a pas, effectivement pas ça au mois d'avril, et qu'on a tout le mois d'avril qui se passe sans qu'on ait strictement rien d'autre avant le redémarrage des courses au mois de mai, là, oui, là, je dirais effectivement énorme faute. Maintenant, pour moi, le fait qu'il n'était pas présent sur place au Japon, ça change pas la vie de l'équipe. On a compris, Manu. J'allais dire justement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'au Japon spécifiquement, c'est juste qu'il n'était pas là en Chine déjà et qu'entre-temps, on l'a pas entendu en fait. C'est juste ça. C'est qu'il est aux abonnés absents et pour moi, c'est un vrai défaut de leadership. Et après, qu'il ait autre chose à faire le week-end même. Il n'y a pas de problème, mais aussi il est à l'usine, donc il peut communiquer depuis l'usine. On a déjà vu des gens qui restent à l'usine pour une raison ou pour une autre, mais qui font un petit communiqué. Wolf, les fois où il était absent, c'était Bradley Lord qui gérait, mais le débrief suivant, on voyait potentiellement Wolf qui parlait, ou qui faisait une conférence plus tard, mais il y avait un signe de vie. Et là, je trouve qu'on a l'impression que New Way s'est enfermé dans son bureau et qu'il refuse de faire ce qui est normalement son poste. Sinon, on va mettre des petits robots là, sur deux roues là, qui peuvent aller avec la tête de New Way dans le garage. Ce serait toujours là, si tu veux. Ce serait incroyable. En fait, vu nos pronos, en fait, Manu n'a pas envie de passer au prono parce qu'il sait que c'est peut-être... Je ne sais même plus ce que j'ai mis. Moi non plus. Mais c'est que j'ai parié sur Ferrari, à mon avis. Je crois que je n'avais pas mis McLaren sur le podium. Alors, tu vois, je suis dans un état de désespoir. Mais bon, voilà, après, au demeurant, ça change rien. De toute façon, ça va pas changer la vie de l'équipe complète non plus. Mais pour moi, c'est un des énormes problèmes. C'est que New Way, n'aurait jamais dû accepter ses doubles casquettes, comme on l'a dit d'ailleurs dès novembre, parce qu'ils se sont précipités pour l'annoncer après avoir parqué Cowell. Et je pense que c'était. Peut-être sur un fond aussi de bataille de pouvoir au sein de l'équipe. Ça a été une rumeur à l'époque. Et voilà. Xuan a fait la sieste hein, pendant qu'on parlait parce que Cadillac en a parlé avant Stone. Hein. Ah oui. Là, c'est Manu carton rouge, pas... Xuan. Ouais. Après, j'aimerais bien que Manu nous donne son avis sur la double casquette de New Way. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une émission. Bisous tout le monde. Ah, vous savez ce qu'on fait, c'est que s'il y a une conférence de presse de New Way, on fera un réac qui fera une émission à ce moment-là. Il y a les sushis qui m'attendent. Hein, ils sont mauvais. Pour célébrer la performance de Honda et le drapeau à damier. Non, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, mais parlons-en maintenant. Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'avais besoin que ça sorte. Bon, non, mais plus sérieusement, c'est juste que, voilà, en fait, moi, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter aussi de chercher des responsables. Il est devant nous, le responsable, c'est juste qu'il n'ose pas être devant nous, justement. Mais voilà, c'est pour moi, malgré tout, il y a un problème. Tu parlais de moi, j'ai eu peur. Bah non, je ne vais pas t'attribuer l'échec d'Aston Martin, Franck. Merci, heureusement. Tu me jettes déjà tellement de trucs sur le dos. Non, j'étais juste en désaccord avec toi sur ce point-là, mais. Je subis, les gars. Je trouve que tu es d'une violence extrême avec McLaren, mais bon, ça c'est. Je continuerai pas l'émission si tu restes. Quel responsable de site autorise tellement de rancœur de la part de journalistes. De toute façon, en fait, le truc c'est que j'avais besoin d'exploser parce que vous avez été tellement mauvais avec McLaren qu'il fallait que ça sorte. Mauvais, on était Alors on a été mauvais, mais en pronos on n'a pas été meilleur. Justement, je suis en train de chercher les pronos parce que je ne sais plus où on les a mis. J'ai bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Non. j'arrive pas à retrouver. Bon, c'est pas grave. Vous en faites pas, ça va arriver. Alex, les amis, je crois les pronos. Ben écoute, Alex, si tu les as, tu peux. Lui, il les a retrouvés. Ah oui. Bah, alors. Voilà. Voilà. Non, mais je vais peut-être supprimer le message, hein, sinon ça. Non. Alors oui, forcément, Alex, tu avais pronostiqué Russell vainqueur devant Leclerc et Hamilton. Bon, tu as, Leclerc, bonne position, le reste catastrophe. Ah, Leclerc, tu as mis deuxième au lieu de trois. Même pas. Ouais. T'as moins une Mercedes qui gagne, c'est déjà ça. C'est ça. Ouais. Franck, tu avais mis Hamilton vainqueur devant Russell et Antonelli. Ouais, j'y crois toujours, hein, moi. Alors franchement, c'est tout à ton honneur. Non mais c'est vrai parce que bah non mais regarde moi j'ai pas mis non, mais c'est la vrai, condescendance moi, mais c'est vrai moi j'ai pas mis McLaren en vainqueur, j'ai même pas mis McLaren sur le podium alors qu'ils y sont. Bah personne n'a mis de McLaren sur le podium. Oui mais moi on aurait attendu que je sois un peu plus indulgent avec eux. Personne n'a mis vous McLaren, on sait que vous êtes méchant avec eux. Et moi j'avais mis Russell, Leclerc et Antonelli. Avec deux pilotes mal placés, je suis celui qui a fait meilleur prono, ce qui n'est pas terrible non plus. On a pas fait terrible. Ouais. Après, on avait les bons vainqueurs avant, mais on a surestimé Russell et on a sous-estimé Antonelli surtout. Ouais, globalement, c'est un peu l'idée. Après, voilà, maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est un peu la grande question sur la suite de la saison, ce qu'on disait tout à l'heure au moment du débrief de Mercedes, puisqu'effectivement, c'est une tournure que prend le championnat qu'on n'avait pas vu venir, puisqu'après trois courses, Antonelli a 9 points d'avance au championnat sur Russell. Et c'est vrai qu'on nous aurait dit ça avant Melbourne, je pense qu'on aurait, pas trop après cru. Melbourne. Ouais, et oui, même après Melbourne où son week-end était chaotique. Mais voilà, c'est vrai qu'on a sous-estimé les safety cars, dit Alex Owens. Effectivement, oui, aussi, mais bon. Après, Antonelli était quand même en pôle. Hein. Donc, le week-end a été très bon de son côté. C'est la fin de ce débrief, ma foi. On fait les pronos pour Miami, je vous signale. Et oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est la fin du débrief, on fait les pronos. Et ce qui n'est pas simple, c'est que donc, le prochain Grand Prix, c'est dans quasiment un mois. Et la hiérarchie, on l'a dit, pourrait être vraiment bouleversée. Donc, et c'est un week-end de sprint en plus. Et urbain en plus. Et urbain. Donc ça va être... Donc on a des excuses. Alors on vous dit d'avance, nos pronos seront mauvais. Alors allons-y. C'est pas notre mais non. Carré compris. Moi ça y est, j'y crois au podium de Williams. Ça va être le mois d'avril le plus productif de l'histoire de la F1. Tiens Franck, allez, vas-y, donne-nous ton pronostic pour Miami. C'est simple, hein. C'est vraiment pas simple. Non, mais bon, si je dis une Mercedes, c'est voir qu'il y a une Ferrari qui va gagner. Alors je vais dire une Mercedes. c'est ça, en fait, je vais prêcher le faux pour avoir le vrai. Allez, et du coup, je vais faire un all-in italien. Antonelli, Leclerc, Hamilton. Oh là là là là là. Ah ouais. Pour espérer une victoire Ferrari. Donc là, ça vous fait clipper. Hein, c'est compliqué gagne, dans ta tête. C'est genre, j'aurais fait exprès de pronostiquer Antonelli pour voir une Ferrari qui gagne. Voilà. Ok, Alex. Alors moi, je vais faire plaisir à Manu. Norris, Leclerc, Russell. Putain, mais moi, j'y crois pas autant. Non, mais je sens McLaren avoir des évos. Norris, il aime bien Miami, donc. Et puis bon, on prend des risques un peu, quoi. Ouais. Oui, ouais, je vais prendre. Norris prend pas le départ. Ah bah là, vous pourrez le chambrer. Il n'y a pas de pénalité de 10 places, Norris, déjà, bien mis, mon avis. Non, ce sera à Monaco, ça, comme ça, c'est histoire de bien gâcher le week-end. Moi, je vais dire. Alors, je vais prendre un risque, parce que je vais dire Russell. Finalement, il n'a gagné qu'une sur les trois. Ouais. Quel casse-cou. Quel risque. Je suis un foufou. Et devant Norris, qui fera son premier podium de la saison avec un bon rythme, et Leclerc. Voilà, comme ça, trois voitures encore, de nouveau. Comme trois, 20 000 Leclerc. T'as l'air hyper confiant, Manu, il a deux doigts de commencer à écrire le résumé de la course. Alors, avant la course, Piastri abandonne. Donc on voit les McLaren continuer, et Antonelli, on le voit toujours pas gagner, hein, donc on continue à le... On le verra gagner au moment où il va arrêter de gagner, c'est comme ça que ça fonctionne. Personne ne voit une Ferrari gagner, donc. Non. Pas pour si, l'instant. Moi oui, mais j'ai mis Antonelli. Oui, ah oui, c'est vrai. Après, tu pourras attendre en tous les cas, mais je l'avais dit quand même, c'est pas très juste. Hein. Non, mais je voulais mettre Leclerc, je dis Antonelli pour conjurer le sort. Mais dans mon fort intérieur, ce sera Leclerc. Ouais, donc je dis Antonelli, Leclerc, Hamilton, mais je tu, pense... Tu le provoques les dieux de la formule. Leclerc, Antonelli, voilà. Je provoque les dieux de la formule. Comme ça, tu fais un double pari, tu pourras dire je l'avais dit. Après, si c'est Norris qui gagne, il n'y aura que toi qui pourras le dire, Alex. Ah oui, non, mais là, après, voilà. Bah, si Norris gagne, tu me dois 20 balles. Ah, j'ai rien parié financièrement, moi déjà. Je te rappelle que pour moi actuellement. Toujours débiteur de 20 balles, je sais. Bah oui, Verstappen devrait être en vert hein, pour moi. Donc, d'ailleurs, heureusement qu'il l'est pas parce que je pense que les week-ends seraient autrement plus tendus de son côté. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce débriefing. On se retrouvera alors pour évidemment le débriefing de Miami dans plus d'un mois. On nous a demandé, il n'y a plus de live ici pour prochain Grand Prix. Je pense qu'on va au moins essayer sur une FAQ parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Des grosses news, peut-être aussi. Des grosses news. S'il y a des grosses news, on prendra la parole au moment voulu. Notamment, bah, s'il y a des évolutions réglementaires, peut-être. Et puis faire un point aussi, peut-être une FAQ pour que les gens puissent nous poser un peu des questions. Parce qu'on voit qu'il y a... va se réunir parce qu'on a, quand même essayé de s'arranger tous les trois, oui. En tout cas, Manu et moi, pour qu'on puisse avoir un peu des jours vraiment off. Oui, n'attendez pas de live dans les prochains 10 jours, 2 semaines, je pense. Mais... voilà, et puis. Mais bah oui, s'il y a besoin de faire un live, on le fera, ça c'est sûr. Mmh. En tout cas, l'actualité de la F1 ne s'arrête pas, clairement. Évidemment, non. Toujours sur Next Gen Auto, et puis. Il y aura des choses qui vont se passer, puisque la réglementation va sûrement quand même bouger un peu, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. Ouais, le 9 avril, c'est la date à retenir hein, pour la réunion à Londres, donc je ne sais pas si y aura une communication dès le soir même de la part de la commission F1 ou autre. Voilà, et bah, peut-être que dans la foulée. Ça devrait vite bouger quand même. Peut-être que dans la foulée, on pourra. Dans tous les cas, vous serez à suivre sur Next Gen Auto. Et puis, s'il y a beaucoup de choses qui changent, on vous fera un petit point pour. En tout cas, si c'est la semaine du 9 avril, on pourra se capter avec Manu, je pense. Oui, oui, oui, c'est clairement. C'est plutôt après où on est ouais. Pas forcément en même temps là. C'est ouais. Ça. Le prochain Grand Prix, c'est le 3 mai. Ça oui. Paraît long. Grand Prix Miami qui sera en soirée. Donc là, on change de nos horaires matinaux des trois premières pour. Ouais, on aura une journée média dès le jeudi 30 avril au soir. Donc vous aurez quand même un petit peu de F1 en live au mois d'avril. Un tout petit peu, ça a commencé peut-être fin de soirée. C'est ça. Voilà, histoire de dire que. Et puis effectivement, sprint de Miami. Deuxième week-end de sprint sur un circuit, encore une fois, qui ne sera pas non plus idéal pour les moteurs 2026 dans leur configuration actuelle, en tout cas. Donc ça va être quelque chose, je pense que ça va être intéressant. Et globalement, on nous posait la question au début de l'émission, est-ce qu'il y aura du spectacle à Miami ? Miami est globalement un circuit où les courses sont intéressantes. Donc pour moi, ça peut être sympa comme course. Fiesta. Ouais, au-delà du fait que les gens l'aiment pas trop, c'est quand même un circuit qui a fait des belles courses depuis qu'il est arrivé au calendrier. Bah merci. Ça parce que Norris a gagné sa première course. Même pas. Même pas parce que non, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Attendez-vous par contre à 18 casques spéciaux et 6 ou 7 livrés voilà, pour Miami, évidemment. Mais ça devrait être sympa. D'ici là, portez-vous bien. Merci Alex, merci Franck pour cette émission. Merci à tout le monde. Merci. Et merci toutes et tous. Et puis on se voit très bientôt de toute façon. Et dans tous les cas, vous pouvez rester sur Next Gen Auto pour suivre tout ce qui se passe. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bye.